IKEA. C'est terminé. Eh oui, quelle défaite. Bah, tu vas où? Bah, faire un gratin. Voilà, j'en ai besoin. À 16h? Cuisiner, ça détend. Surtout quand IKEA vous offre jusqu'à 400 euros de réduction immédiate sur votre électroménager pour l'achat d'une cuisine méthode d'une valeur minimum de 2000 euros hors électroménager et luminaire. Offre valable jusqu'au 9 septembre avec la carte gratuite IKEA Family. Conditions sur IKEA.fr. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Podcast! Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très, très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Oui. Et alors là, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Ils c'est n'ont de pas... l'ASMR ou quoi? Non, arrête, toi, tu arrête, connais tous les termes. Les blagues sur l'ASMR. Non, pourquoi on hurle pas? Bonjour, bonsoir et bienvenue, bien sûr. Voilà. Bienvenue dans le Floodcast. Je suis Florent Coucou. Bernard. Moi-même étant Adrien Méniel. Adrien Méniel, voilà, nous présentons. Moi, je me présente moi-même, je me dis. Bah ouais, mais vas-y, hein. Mais tu sais, t'es chez toi. Hein. Pourquoi... J'aimerais bien. Beaucoup mieux que chez moi, malheureusement. Oh là pourquoi là. Pourquoi on fait des petits oui comme ça, un Floodcast un peu exceptionnel, alors pour vous pas dingue, mais pour nous c'est un peu exceptionnel. Dans la pièce d'à côté, un enfant, un élu. Alors, il faut dire oui que t'as un enfant. Je le dis assez peu, donc c'est une info ouais, qu'il faut mettre info. En avant. J'ai un chien aussi également. C'est pareil. Un petit bébé d'un an et demi, et ce soir, pas de solution pour faire garder l'enfant, etc. Donc on enregistre un Floodcast avec un bébé à côté, ce qui est un peu un happening. Mm-hmm. À tout moment, je vais et devoir partir. Et une oui, calvaire, on peut dire. À tout moment, je vais peut-être devoir partir pour aider un enfant à se réendormir, mais peut-être pas du tout. Et là, vous direz. Quel enfant exceptionnel, ouais, il dort vrai. Tranquillement. Mais du coup, je ne vais pas hurler. Malheureusement, en c'est plus, je voulais te demander de faire le lynx Edith Piaf. Oui, là. Mais c'est peut-être ma tu peux faire un lynx discret, un lynx qui est vraiment. C'est un défi. À tout moment, il j'ai peut... tellement envie de l'avoir en sonnerie de réveil. Ce truc est incroyable. Un lynx introverti. À tout moment, on peut un avoir timide. Un lynx timide. Un lynx qui se réveille. Si ça vient naturellement dans la conversation. Aucune pression. Dans le podcast, ça arrive toujours assez naturellement, bien sûr. Mais évidemment, comme avec lui, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés de deux invités. La première est humoriste, autrice, vidéaste spécialisée dans l'histoire. Elle a créé le Culture Fest qui réunit humoristes, vulgarisateurs, DJ, podcasteurs, bref, que des gens qui n'ont pas de vrai travail. C'est Manon Bril. Bravo. Oui, coucou. Pareil, on fait des vrais applaudissements. Oui. Merci coucou. Manon d'être avec nous. Merci pour l'invite. Ça fait je super plaisir. Contente. Ça fait longtemps que tu n'étais pas venue. Et tu ouais. viens le lendemain du Culture Fest, donc même pas pour la promo au final. C'est ouais. très bien calculé tout ça. Il n'y a pas besoin parce que c'était complet. Oh, donc, super. Voilà, écoute, et vu que ça sort après, tu peux déjà inventer. Ça s'est super bien passé. Oui, je peux inventer parce qu'en fait, en vrai, on enregistre tout juste avant. Ouais, tout et juste ça avant. Sortira tout juste après. C'est ça. Donc je vais dire que ça s'est trop bien ça passé. Ça s'est trop bien passé. Ouais. Un banger. Oui. Ouais, carrément. Mais tu n'es pas toute seule. Elle est, elle est actrice, autrice et spécialiste de. Ça ouais, je suis désolée. Mais putain, non, mais. Alors, attends, déjà, j'ai pas d'applaudissements. C'était le lynx. Et là, tu éternues sur mon. Non, mais. C'est la présentation. Bah, je viendrai plus. Il y a un chat, en fait. Pardon. Y a ouais, il y a un chat, il a oublié de prendre son Zyrtec. Enfin, c'est un fiasco. Là. Non, mais c'est un fiasco, hein, cette émission, dès le début. Hein. Actrice, autrice et spécialiste en vintage, elle porte donc des vêtements de gens qui ont tous le point commun d'être décédés. C'est Marjorie Lenoir. Bravo. J'avais jamais vu ça comme ça. J'ai tout gâché. Ouais. Chers amis, merci d'être avec nous. Alors comme à l'accoutumée, nous allons commencer par les news du Floodcast. Une date de sortie vient d'être annoncée pour une émission très attendue, une télé-réalité qui verra 456 participants, c'est très précis, s'affronter et le vainqueur pourra remporter 4,56 millions de dollars. What? De quelle émission? Alors, attends, quel pays déjà? La France? États-Unis évidemment. Je crois que c'est les States, mais je vais vérifier. Enfin, pour ces chiffres-là. Étant parfaitement énormes. Déconstruit, je voudrais poser une question. T'as dit participants, est-ce que c'est participants, point médian E, point médian S? Ah, tu peux mettre le nombre de points médians okay. que tu veux. D'accord. Ok. Donc, 450. Okay. Ouais, 456 pour être tout à fait. C'est pas un remake du truc coréen là J'espère que c'est un Squid de quoi, Game. Oui. 100% physique? Ouais, 100% physique. Attends. Alors attendez. Pardon, il y a, parle, y a eu une bonne. Non, mais il y a eu une bonne réponse dans les deux. C'est un Squid Game? C'est Manon Bril. Oh, Squid Game en vrai. Je faisais vraiment une petite blagulette. Oui. Minus la mort. Très mauvaise alors, nouvelle. C'est ça. On en sait plus sur l'émission de télé-réalité Squid Game The Challenge. Et ça sortira donc en novembre. Mais ça s'appelle comme ça en plus. Ah bah oui, parce que c'est sur Netflix. Ah oui, j'ai dit ça. Mais parce que c'est sur Netflix. Oh la c'est vache. Sur Netflix. Mais donc, Mr Beast l'a fait, c'est ce que j'allais dire, oui. Mais il doit être dedans. Bah, je pense que c'est peut-être. Oui, c'est ça qui a dû les inspirer en se disant bah, peut-être ça pourrait être ça qui pourrait être cool. Oui, ou alors peut-être la télé, c'est une machine qui met plus de temps à se mettre en marche, là où Mr Beast il l'a peut-être fait rapidement. Et du coup, écoute, ouais, oui, alors ça tire à balles réelles. Non, mais c'est vrai. Cela dit, c'est vrai. À travers une série de jeux, chaque joueur sera poussé à ses limites et obligé de se demander jusqu'où il sera prêt à aller pour à gagner vache, avec des alliances opportunistes, des stratégies impitoyables et des trahisons. Judicieuse. Moi, c'était pas dans le horrible. Truc. C'était ouais, pas dans le truc de. Je vais de regarder. Évidemment. Tout l'intérêt reposait dans la mort. Donc c'est moi. Je c'est dire. Bah, peut-être l'intérêt, mais aussi le mérite de gagner autant d'argent. Tu risquais ta vie là. C'est genre bah attends, t'as fait un jeu, t'as fait Fort Boyard. Quoi. Oui, c'est ça. Exactement. Attends, pour on moi, sait c'est pas leur Boyard. Dilemme encore. On verra. Bah c'est ça. On n'a pas encore vu les trucs. Moi, c'est ce qui m'avait beaucoup déçu dans le truc de Mr Beast. C'était oui, bon bah c'est pas si. Oui, bah, faut parce toucher que... une voiture pendant 24 heures, ça va. Mais en fait, toucher une voiture pendant 24 heures était bien pire. Que ouais. Le faux Squid Game qu'il avait fait, quoi. Ah, ça, j'ai pas vu. C'est okay. Malheureusement Interville maintenant. Ah oui, c'est ça, mais en fait, le truc, c'est que c'est, à la vachette. Tu prends les jeux de. Enfin, le principe de Squid Game, c'est que c'est des jeux d'enfants. Mmh, oui. Genre tirer la corde et. François Soleil, si t'enlèves le risque de mort, ouais. C'est juste de la merde. Quitte à adapter un jeu d'enfant, faites le jeu du foulard. Et là, il y a un risque de mort. Voilà. Le quoi couper, bien sûr. Ça va être une marelle géante. Ça va être trop chiant. Lancer des cochonnets, en fait. Oui, jouer aux billes. Enfin, c'est vraiment ça. Mais j'imagine qu'ils ont. Eh ben on a bien épreuves. Cassé la baraque de Netflix. Allez, là. Ah merde. Faites-nous travailler tout de même. 4, ouais, 456 participants et 4,56 millions de dollars. Ah, j'avais pas. Et oui. Ouais, 4, c'est 456, un gros montant. 4,56. C'est comme ça dans la série. Moi, j'ai pas regardé la série. Non, je sais pas, j'en sais rien. Bah, ok. En tout cas, on s'en. C'est des trucs que vous pourriez. Enfin, c'est une émission que vous pourriez avoir envie de faire quand même ou pas du tout. De faire jamais de la vie. Pas celui où on meurt. Je parle de celui. Non, où, celui-là non ouais. Plus. De regarder, c'est possible. Faire du sport. Adrien, non. S'il donne 1 milliard à une asso seulement, parce que si c'est pour que les gens regardent. Ça va. Oui, bah, c'est la ref. Oui, bah, je peux. Genre, ça t'arrive jamais. Il explique ma blague. Ah non, je l'avais pas eu. Et bah, j'ai eu besoin. Oui, bah, j'ai eu besoin d'une explication de texte. C'est notre duo, il fonctionne comme oui. Ça. Adrien fait des blagues très fines et moi je fais non, c'est ça. Et c'est moi qui ai la gloire. Arrête. Tu as l'argent, en revanche. Oui, je voulais dire ça, pardon. Ah, pardon. Oui. Le Futuroscope. Eh oui. Le 450 personnes au Futuroscope. Julien Lepers, le eh oui que t'as fait là. Eh oui. Eh oui. Le Futuroscope va mettre en place une opération écolo bon pour l'agriculture. Oui, ils vont fermer. J'ai même pas laissé la fin. Ils vont récolter l'urine de leurs clients. Exactement. Mais c'est what mon... Mais attends, c'est fou parce que c'était mon ancien. Alors déjà, bravo. Déjà après tu le savais. Merci. Donc ouais. Non mais c'est bien c'est le concept de la vie, voilà. Non bah c'est deviner sinon. Oui mais non mais pardon total... Non mais aujourd'hui il est taquin. Il est taquin. Ça c'est parce qu'il est allergique au chat. Pas du tout. Mais pas le nom de l'ingénieur qui est à l'origine du truc. Bah en tout cas ils disent ce qu'il fait dans la vie, à savoir être ton voisin. C'est non mais c'est mon ancien. Parce que mon moi ancien j'ai, voisin j'ai pas la suite de l'info. J'ai juste il récolte l'urine des gens pour leur pur l'air. Non mais pour l'utiliser comme fertilisant, c'est ça. C'est ça, j'avais pas la. Parce que mon voisin du dessus, c'était son taf. Ouais. Ok. Et celui et qui jetait la boule de bowling pour les gens qui écoutent. Non, un autre. Non, okay. lui c'est un fou. Bah, un mec qui récolte de la piste, ça pourrait être un fou aussi, tout simplement. Ça peut être surprenant quand le mec de but en blanc il vient, il te dit ah bah avec les enfants vous avez fait des gâteaux, tu fais trop sympa et après il te dit je peux avoir ta la piste, vous connaissez. C'est charmé. Mais non, il était adorable. Il t'offre des grandes bouteilles d'eau. Non, c'est cadeau. Ouais. Et puis si jamais. Non, mais t'inquiète, c'est vrai qu'il nous avait offert un petit sirop une fois et on n'y a pas touché. Mais non, mais lui c'était son taf, c'était son. Son sacerdoce, quoi, de récolter la pisse et tout, il disait c'est une ressource inexploitée qu'on jette. Mais je me disais, en apprenant cette news hier exactement, est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce que moi j'aurais envie de céder ma pisse, tu vois ? Moi j'ai aucun Est-ce que c'est problème. Pas un peu arbitraire de voler l'urine des gens comme Mais ça ils la volent pas, je pense que c'est. Tu donnes... signes une décharge ah bah de Bon, on t'achète ton billet du Futuroscope, tu sais que bah, on va prendre ta pisse à un ah moment bah, ou à un autre. Donc tu. T'es obligé, t'es contraint en fait. Alors, si tu veux découvrir le futur, il faut te donner ta piste. Et encore le futur. Le futur, voilà ce que j'allais dire. Ouais. Genre, une nouvelle Arrête initiative du Futuroscope. On est trop dans le futur. Là, en vrai, pour le coup, c'est plutôt turcule. Sympa. C'est plutôt sympa. Mais genre, à chaque fois que. Genre, l'an dernier, on avait vu des immenses affiches dans le métro de regarder, ou l'année d'avant, je sais plus, le nouveau Futuroscope avec un bonhomme horrible. Tu sais, ouais. Genre, ils ont toujours les claqués. Pires mascottes. Oh, c'était Claude Pied plus malin. Non, mais là, apparemment, ils ont la meilleure attraction du monde là, j'ai vu, c'est toujours surprenant. Oui, alors après, c'est chasseur de c'est tornades. Eux qui l'ont dit. Non, c'est sur l'affiche. Je sais pas ah, bah, qui voilà. L'a dit. Mais alors, mais... si okay. Tu veux pas qu'on récolte, mais c'est pas récolter la pisse, hein, la meilleure. Ouais, du bah, monde. Pour moi, si, mais Non mais tu sais que je savais pas, mais par défaut, parce que c'est ce que on m'a dit ça suite à un floodcast où je disais après ma mort je veux qu'on prenne mes organes et tout au maximum. Et en fait c'est par défaut on prend tes organes. Ouais, c'est vrai. Donc, attends, t'es sûr? Bah, c'est ce qu'on m'a dit, que par défaut on te prend tes organes et que tu dois signer un truc si tu veux pas qu'on te les prenne. Donc, oui, mais je préfère donner mes organes que ma pisse. Excusez-moi, c'est très personnel. Comme prenez tout ce qui traîne, tout ce qui peut. Je sais que ma mère avant de décéder elle voulait faire ça et qu'on n'a pas pu s'en occuper et je crois que c'est pas arrivé du coup. Je me demande si c'est vraiment, mais c'est un truc récent je crois. Okay. C'est pas peut-être un truc. Ah, pardon, hein, je sais pas quand. Mais c'était il y a pas si longtemps. Merde. Et bah voilà, voilà. Moi, et parce que je pense que les organes de mes parents étaient dans un piteux état. Ils ont peut-être pas envie de tous les prendre, effectivement. Oui, je pense qu'ils ont vu le foie de mon père, ils ont fait non, c'est bon. Gardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce prank? C'est le foie de la personne? Bah, de toute façon, les gens vont envoyer des DM à Florent. Oui, c'est moi qui devrais gérer, vu que je récupère les fans. J'ai reçu, parce qu'on en parlait hors antenne, j'ai reçu un DM, alors un seul, mais il m'a fait quand même rire, un DM de quelqu'un, alors que j'embrasse, parce qu'il doit écouter l'émission, qui a écouté l'émission à laquelle tu as participé, qui est très drôle d'ailleurs. Pardon, GPT. Oui. GPT. Trois lettres de Pierre Lapin et Rémi Boyle ou Boyle. Et apparemment pendant l'émission, enfin je le sais d'ailleurs, je l'ai écouté derrière. Tu disais oui, moi je ne suis que le co-host, machin, avec ce petit ton qui est le tien. La complicité. Et toi aussi, t'es pas venu à l'invite de l'émission. Oui, c'est ça. Alors que ils ne m'ont pas invité, mais c'est pas grave. Et dans le message, on me dit, tu sais, il en fait des blagues, mais je crois qu'Adrien, ça le blesse un peu d'être considéré comme co-host et tout. Ah non, donc Adrien, comme co-host, non. C'est non, avec la complicité de... Donc sache, Adrien, qu'à l'heure où les gens écoutent ce podcast, tu as changé la description. La description est présentée par Florent Bernard et Adrien Meynell. Donc la personne qui m'a envoyé ce DM, voilà, tu as été entendu. Et Adrien, je pense, arrêtera de faire des blagues sarcastiques. Là, je peux plus. C'est bon, je suis à mon prime. Pour nous, ça a toujours été une évidence. Donc ça y est, je vais toucher l'argent. Enfin, l'argent de quoi? Comment ça? Quel argent? C'est les publicités que j'écris au début. Mais c'est un podcast gratuit. Quand il y a pas d'argent, Adrien. Enfin, c'est toi le produit. Il me semblait. On est dans un très bel appart. Pour ceux qui ne voient pas. C'est sublime, c'est très meublé, très décoré. Fais la taille de cette pièce. Bon, je vous explique quand même le Futuroscope. Comment ça fonctionne? C'est en collaboration avec la start-up Toupie Organique. C'est mon voisin, parce que ce sera incroyable. Je change. Le Futuroscope va récupérer l'urine de ses visiteurs pour la traiter et la transformer en biostimulant pour l'agriculture. En effet, soulager sa vessie au Futuroscope aura désormais une utilité pour l'agriculture. Le parc se lance dans le recyclage de l'urine des visiteurs. D'ici 2025, l'ensemble des urinoirs du Futuroscope permettront de récupérer l'urine plutôt qu'elle ne termine dans les égouts. Le liquide sera ensuite traité et transformé pour trouver une utilité agricole. Pour la trouver quand même, il y aura peut-être un moment où elle sera stockée dans une attraction. À l'origine du projet, une start-up girondine lancée en 2019, donc girondine, donc c'est peut-être pas ton... Il a déménagé, hein, on l'a dit. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans l'urine, il y a des nutriments qui sont bons pour la croissance des plantes. Mais voilà. Mais big up au Futuroscope. Bravo le Futuroscope. En plus, on les chambre un petit peu. Ouais, voilà, déjà. On les chambre un peu, mais ils ont toujours envoyé des messages très sympas, marrants. Non, franchement, ils sont adorables. C'est une cool initiative. Ils sont adorables. Je ne vois pas mon ancien voisin dans le Futuroscope. Bah, c'est du plagiat de mon voisin. Savez-vous qui est Marie-Rose Tessier? Pas du tout. Alors, je vous demande de savoir qui c'est. Alors. Ah, j'ai pris très large. Est-ce qu'elle est... C'est une contemporaine, elle est vivante? Alors, elle est... Non seulement elle est vivante, mais elle a fêté son anniversaire il n'y a pas très longtemps. C'est un rapport... C'est la doyenne de l'humanité? Voilà. Alors, la doyenne des Français, pas du monde, pardon. Des Français. Bah, si, elle est française, la doyenne de l'humanité. Bah, je sais pas si la dernière, elle l'est. Si, il me semble. Oui. Bah écoute, en tout cas, c'est la doyenne des Français. Elle me semble. Les news aujourd'hui. C'est personne n'a le temps de. Non, mais j'avais cherché parce que tu sais, quand j'avais vu cette news où il disait Fernandel, il aurait eu 120 ans, un truc comme ça. Bah non, il aurait pas eu 120 ans. Il serait jamais. Il aurait jamais vécu jusqu'à 120 ans. Il serait mort. Il serait vraiment mort. J'avais cherché et la doyenne de l'humanité, elle a 118 ou un truc comme ça. Elle a 113. Oui, 113. Les doyennes s'enchaînent de toute façon. La semaine prochaine, ça sera quelqu'un d'autre. La semaine d'après, ça sera quelqu'un d'autre. C'est un truc où on te dit, ça y est, t'es la doyenne. Il y a un peu un truc de, ouf, non. Ouais, t'imagines, ça va aller très vite. C'est un titre que tu gardes pas très longtemps. En vrai, ouais, pas très longtemps, mais en même temps, genre, putain, il y a personne qui a vécu autant de trucs que moi. Je pense qu'ils en ont rien à foutre. Tu crois? Oui, peut-être. À chaque fois qu'on regarde des centenaires, mais 113 ans, 113 ans, la meuf, ça veut dire elle s'est tapée les guerres mondiales, ah, elle s'est tapée. Enfin, 14-18, elle était bébé. Premier pas sur la Lune. Ouais, ouais. Enfin, elle était jeune. Pas masse de souvenirs. Ouais. Ouais. C'est ouf, en fait. Ouais, elle a 4, vu 4, Internet, elle a vu Interville. Les magnétoscopes. Quoi couper. Elle a vu quoi couper. T'imagines le Harlem Shake. T'imagines toutes les tendances de langage qu'elle a, genre à l'époque où elle était enfant jusqu'à quoi couper maintenant, elle a dû connaître. Du salut nazi à quoi couper. C'est le nom de sa biographie. La quenelle, la danse de Kwakubé, le dab. Le dab, ouais, bien sûr. Moi, je suis très transparent avec les auditeurs. La carte d'avant a été pleine et on s'en est pas rendu compte tout de suite. Donc, on a perdu un peu de l'émission. Mais je pense une dizaine de minutes. Si jamais ça n'a pas été enregistré, j'avais vraiment trouvé des réponses. Énormément. À des trucs. Trouver, tu le savais. Donc, c'est pas trouver, c'est juste te rappeler d'un truc que non, tu savais. Non, le Futuroscope, ça, on l'a. Je pense que ce qu'on n'a pas, c'est le moteur à la bière. Le moteur à la bière. Et si vous n'avez pas entendu la moto à la bière, vous êtes passé à côté d'un sacré truc. Va peut-être falloir refaire le lynx discret. C'est Manon qui a trouvé le. C'est toi qui as trouvé en fait, non c'est Marjorie. Je suis peut-être en train de m'approprier. Je sais pas. Bon, bah, en tout cas. Ah oui, c'est le lynx discret. Ouais, maintenant on l'a. Maintenant on l'a. Je vais vous. Alors, on a quand même Manon Bril autour de la table, spécialiste d'histoire. Je vais vous parler de Roland. Roland est un troubadour qui a vécu au XIIe siècle et qui a reçu... Qui a fait une brèche dans les Pyrénées. Alors pas du tout, pas du tout. Okay. Je vois que t'essayes de trouver la réponse avant que j'aille au bout. Non. Roland, le prénom Roland. Oui mais attends, il y a un truc, les de Roland, non okay. Non, je connais pas. Oh, non, plus. C'est pas grave. Le Roland McDan, c'est Roland, le Roland McDan. Non, alors je vais vous parler de Roland. Roland est un troubadour qui a vécu au XIIe siècle et qui a reçu un manoir et un terrain de 12 hectares après avoir diverti le roi Henri II. Alors garde-le un peu de côté, bien sûr. À votre avis, pourquoi Pourquoi a-t-il reçu tous ces beaux cadeaux de Je le connais pas. Il faut trouver le divertissement qu'il a. Comment il a diverti Henri II? Bon, il a montré ses fesses, tout simplement. Alors, il l'a insulté. Mais pas que. Il l'a insulté. Alors, il l'a pas insulté. Ah, c'est ça. Non, on s'approche. C'est pas un roast. C'est. Bah, il a pété. Bah voilà. Très bonne réponse. Désolé Manon, tu dois rendre ta chaîne YouTube à Marjorie. Et je rends l'argent, contrairement à d'autres. C'est facile, t'es dans le flot de cas, c'est soit sperme, soit pisse, mais oui, soit évidemment, pété en fait. Roland, aussi appelé Roland le péteur, mais tout simplement. Attends, il a pété sur qui t'as dit Henri II. Henri II. Alors il a pas pété sur Henri II. Oui. Non, devant. attention, les gens qui réécrivent l'histoire. Oui, là, oh là doucement, comme doucement. Vous y allez. C'est un pétomane anglais qui vécut aux alentours du XIIe siècle, donc il reçut le manoir Hemington dans le Suffolk, ainsi que donc 12 hectares de terre, en échange de ses services de bouffon. C'était un bouffon, tout simplement. Il était obligé de jouer chaque année à Noël pour la cour du roi, et il devait péter sur commande. Dès que le roi lui demandait « Roland, est-ce que tu peux péter, s'il te plaît ?» à la manière de la Tesla de McFly, on en parlait un peu plus tôt. Oui, on ne sait pas si elle est restée. Non, mais on en a parlé la semaine dernière, au pire. Ah oui, c'est vrai. Il pouvait péter sur commande. Vraiment exactement. Hâte de voir ce secret d'histoire. Avec Stéphane Bess. Ça va être incroyable. C'est reconstitutions, là. Si seulement on avait le 06 de Stéphane Bern pour lui demander s'il connaît Roland le péteur. Bon. Alors, je pensais à la chanson de Roland. Voilà, oui, mais c'est quoi ça, déjà? Un poème épique, une chanson de geste du 11e siècle, attribuée parfois sans certitude à Turold, mais après je pas dis ça de mémoire. Tu dis de pure mémoire. Absolument. Est-ce que vous, à la manière de Roland, vous avez un talent caché? Peut-être un petit peu plus stylé que Roland, mais quelque chose. Qui est pété sur commande. Ouais. Bah, ce qui est stylé, moi, je trouve. Ouais, c'est assez stylé en vrai. C'est... Parce que moi, oui. Moi, je suis le problème tout bonnement inverse. qui est de. Moi, j'en ai aucun de caché parce que dès que j'ai une fierté, je les taille sur les réseaux. Pareil. Donc, jamais je cacherai un talent. Voilà. Vraiment, jamais. Vous savez tout. Je suis bilingue en anglais. Je ne le cache pas. Je passe mon temps. Moi, j'ai attrapé des petits objets qu'on me jette avec ma bouche. C'était un stylo et tu l'as acheté sur mon ventre. J'avais pas l'info de la bouche. Surprenant, mais like. Mais cela dit, c'est vrai, un de mes premiers vines, c'est moi qui jette un chamallow sur Adrien et il l'attrape avec sa bouche. Bah, c'est comme ça que George Bush a failli mourir avec comme un bretzel. Bien sûr. Je l'ignorais. Mais d'ailleurs, il avait une croûte sur le visage Et on lui a dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je me suis étouffé avec un bretzel. Je fais, mais de quoi? Quel rapport? Je pense qu'il s'était pris une mandale et il a inventé la pire excuse qui n'avait rien à voir. Une assez mauvaise excuse. Ouais. je suis tombé en avant. Vraiment, l'excuse de Mère Simpson, c'est, je suis étouffé avec un bretzel. Bah, ça n'a rien à voir. Et toi, Flo, quel est ton talent? Moi, j'en ai aucun. Ouais, ah, pareil. Moi, je suis de votre team et je trouve ça bien de le dire. De quand on a un talent, on ne le cache pas. C'est comme une Tesla qui pète. Pourquoi c'est pareil? Envoyons des bonnes choses au monde. On est très, ouais, on est feel good en ce moment, le podcast. Mais, alors là, ouais, mais le beau temps revient, ah, et ouais, ça inspire. Ça, c'est un bonheur quand même, hein, parce que ce mois de mai, il n'y a plus. Hein. Hein, moi, même. Le moral, ça change tout. Le soleil qui se couche tard, ça change tout. Oh là là, on a envie de faire l'apéro, faire des petits barbecues. Non, mais c'est vrai. C'est terrible, mais c'est vrai. Ça marche, ça marche. C'est horrible, mais moi, ça me déprime de me dire que ça me rend de bonne humeur qu'il fasse beau. Tu vois, mais je suis vraiment juste une plante. Pas plus que ça, en fait. Bah ouais. On se croit intelligent et tout, genre non, mais moi je peux relativiser et tout. Non, et comme toujours, les mêmes choses nous font du bien que tout le monde. Mais en même temps, ça nous rend humbles. Récemment, alors je vous donne un petit peu ma vie personnelle. Récemment, je suis allé faire une émission dans un magasin de jouets. N'importe quoi. Non, je te le dis. Une émission de quoi? Oui, vidéo de McFly et Carlito. Quoi, non, pas du tout. Non, on non, a non. Vu non. Les stories, vous étiez ensemble dans la Tesla qui pète. Non, la Tesla qui pète, c'est juste on a fait une petite soirée entre amis où on t'a pas invité. Ah, bah oui, c'est ça. C'était ma supposition, mais je suis content sur la vérité. Surtout qu'on les a vraiment reçus dans le podcast quelques jours avant. Et après, ils ont invité juste Arrête, toi. Je vais recevoir encore un DM de quelqu'un qui me dit attendez, Adrien, vous l'invitez jamais c'est quoi, en soirée. La doléance, là, non, maintenant. Non, mais trop cool. J'espère que cette explication est restée à l'enregistrement. C'est très important. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Trop cool, merci, Mathieu Jarito. Trop cool, les potes. Et donc, j'ai rencontré quelqu'un qui gérait un magasin de jouets qui m'a dit, qui me présentait un peu leur gamme de jouets, et qui m'a dit ça s'appelle les sèche-pleurs. Et à votre avis? Qu'est-ce que c'est les sèche-pleurs? J'ai appris ce terme. Et c'est pas des doudous. C'est des jeux. Bah, des ventilateurs. Ouais, des petits ventilateurs. Des sèche-cheveux comme ça. Non, sur les bébés. Vous n'avez pas d'enfants. Ça sèche. Ça sèche. Ouais, il y a un bébé, qui pleure. Comment on peut faire? Bah, un énorme ventilo. Un chalumeau peut-être. Dans la gueule. Ah, même le visage. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est un jeu? C'est pas un jeu. C'est vraiment des jouets. Alors, ça peut être des jouets, des jeux, mais c'est surtout des jouets. C'est des trucs pour distraire les enfants quand ils pleurent. Ouais, un truc sensoriel. Pas sensoriel. Pas vraiment les distraire. C'est plutôt un endroit où vous pouvez trouver ces jouets. Okay. Ils sont suspendus au plafond ? Non. Attends. Le sèche-pleurs. Attends. Sèche-pleurs, c'est l'objet. Par exemple, je vais vous donner un petit indice. Un sèche-pleurs, ça peut être autant des animaux de la ferme que des billes, qu'un petit rubiscule, par exemple. Mais c'est l'endroit. C'est l'endroit fait... où on les. C'est plus. Oui, c'est ça. C'est une distraction pour que ça arrête de chialer, quoi. C'est ça. Mm-hmm. Bah, ok. Donc la question que j'ai posée tout à l'heure, mais où tu m'as dit non, du coup. Non, parce que toi, tu l'as pas posée de la même façon. Des claques. Tu verras la réponse. Des claques. Non, pas des claques, mais enfin, Manon, tu n'as c'est comme ça vraiment pas d'enfant, rassure-moi. J'ai été prof des écoles, ok, je sais. Oui, c'est ça, c'est pas un truc d'école. Non, genre, pas du tout. De garderie. Non. Mais attends. Non, parce qu'en vérité, ça s'appelle. Rien aux indices, ça s'appelle pas sèche-pleurs parce que c'est des bébés. Ça peut être aussi des enfants de 8, d'accord. 9, 10 ans. Et nous, est-ce que ça sécherait nos larmes? Je pense pas. D'accord. Je pense pas. Les larmes d'Adrien. Je pense qu'on n'est pas assez. Bon, ça, non. C'est des gens ça, en costume. J'ai renoncé à les sécher il y a la bien longtemps. La vie a séché ses larmes. C'est des mascottes. Là, c'est des pas gens... des mascottes. Ok. Moi, je n'arrive pas à comprendre ce qu'on cherche. Ouais. L'endroit où oui, on trouve c'est déjà un endroit, ces jouets. Mais c'est dans le magasin, je sais pas quoi. Je comprends pas. C'est des zones peut-être extérieures. Des jouets, on trouve un pas parc, dans des magasins de jouets. Parc. Non, pas dans un parc. Dans des poubelles. Non, mais c'est dans des chambres d'enfants. Non. C'est extérieur à son domicile. Supermarché. Très bonne réponse, Adrien Méniel. En fait, ce sont des petits jouets, putain. Pas très chers. Ah, c'est, ils font un caprice, ils lui disent tiens, je t'achète ça. C'est ça, c'est-à-dire pour aller au supermarché pour calmer les enfants. C'est des petits jouets vraiment qui coûtent jamais plus de 5 balles, que les parents achètent assez facilement parce qu'ils font les courses pour 100, 200, 300 euros. Ça occupe, donc, occupe le gosse. C'est le capital, ça va faire une génération horrible en fait. Mais ça existe depuis toujours, moi j'avais ça déjà. Élevez vos enflures de gosses au lieu de leur payer un truc en plastoc. Oh ça va, tu sais, c'est achetez dur d'avoir un enfant. Achetez-leur des fringues sur Vinted. Mettez-leur un écran plutôt devant la tête. Faites pas d'enfants déjà. Oh yo, mollo la psycho là. Je rigole. Oh yo, il y en a des super. Il y en a des top. Il y en a des bien. C'est comme tout, les enfants. Moi, je me disais l'autre jour, quand même, on fait des enfants, les gens trouvent ça mignon, c'est des bébés mignons, et après, un jour, ça devient Darmanin, en fait. Ouais, mais ouais, non, mais c'est mais vrai, mais Darmanin après... était un bébé mignon. Ouais, c'est mignon, alors, c'est ça. Mignon, peut-être pas, hein. Parce qu'il a... Ah, sûr qu'il était mignon. Mais il y a plein de bébés pas mignons, quand même. Mais je vais voir s'il y a une photo de Darmanin. En tout cas, tu y penseras quand tu verras ton enfant. Qui pourra devenir Darmanin. Peut-être. Oh, J'ai trouvé une photo de Darmanin enfant. Arrête. Bah, il était pas mignon. Il était pas mignon. Bébé. Médiamétrie a annoncé que plus de la moitié des garçons de 12-13 ans faisaient quoi? Ah, je le sais, je l'ai vu encore. Bah ouais, mais vous êtes férus d'actu. Alors, du sperme. Alors, du prout. Il se masturbe. Alors, devant. Non, on sait pas. Attends, mais continue. Devant la météo. Des pans. Okay. 50% ce serait énorme. Ce serait beaucoup. La Miss Météo, probablement. Oui, c'est vrai. Étant donné la disponibilité toujours, de porno en ligne, ça serait très bizarre. C'est des pornos, c'est... du coup bah, oui. C'est du porno. Tout simplement. Ah, bah attends, mais c'est très simple. Ah, oui, mais alors c'est très attends, simple. Attends, t'as dit quel âge? Bah 12-13 ans. Aïe, aïe, aïe. Bah, ça me paraît très jeune. Ma question, c'est est-ce que c'est différent d'avant ou pas? Parce que des fois, à chaque fois, j'ai l'impression, quand on est plus âgé, on fait oh là là, les jeunes. Alors que. Oui. J'ai sorti une vidéo sur ça un peu très longtemps. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Mais bref, on a l'impression que, et en fait, quand on revoit nos stades de plus jeunes, en fait, c'était pareil. Moi, j'ai l'impression que 12-13 ans, c'est, ça paraît très tôt. Et surtout, il y a forcément plus d'accessibilité par rapport à une autre époque à ces trucs-là. C'est ça, parce que moi, 12-13 ans, à la limite, je pense. Ouais, non, mais c'était déjà plus tard. Alors moi, j'ai toujours rêvé, j'ai toujours adoré Morlaix. Attention, et j'ai pas peur de le dire autour de ce micro. C'est ton talent caché. Voilà, j'ai toujours adoré ça. Non, mais voir des magazines peut-être un peu porno, mais j'avais au moins déjà 14 ans. 12-13, ça me paraît. Et surtout, là, c'est pas juste à déjà vu un porno. C'est en consomme de façon mensuelle. Ah ouais. Oh là là. Ouais. Non. C'est ça. Mais horrible. Est-ce qu'on peut passer un message aux garçons de 12-13 ans qui vous écoutent? Mais non, il y en a voir. Mais oui. Ce n'est pas la vraie vie et vous vous rendez compte bien vite. C'est pas comme ça. C'est des enfants. Ouais, moi ça me paraît très jeune. Non, mais c'est normal, ça vous tombe sous le nez, vous avez envie de regarder. Franchement, j'aurais fait pareil, mais sachez que c'est pas comme ça dans la vie, ok? C'est très important, d'accord? C'est ça. Mais alors, par contre, du coup, si c'est des enfants qui nous écoutent, ne prenez pas non plus exemple sur ce qu'on dit. Sur la moindre chacune de ces phrases, ne doit pas. Chaque phrase prononcée dans ce. D'où vous écoutez ça? Enfin, je veux dire, où sont vos parents? Oh non, 12 ans, non. Tu peux écouter le podcast à 12 ans. Oui, ça va. Après, moi j'écoutais Skyrock. C'est ça. D-Full, c'était trash c'est aussi quand même. C'est pour ça, t'avais pas l'image. Et mais... j'ose espérer que c'était un peu moins problématique. que... mais ouais, non, j'étais assez surpris aussi. Moi, j'avais une très courte période où j'avais écouté Fun Radio, je crois, et j'ai un très très net souvenir d'un mec qui appelait pour dire qu'en gros il se faisait harceler au lycée. Ouais. Et la réponse de D-Full, je crois, a dit bah ouais, mais t'es peut-être une merde. Waouh. C'est littéralement Timo in shape. Hein, ouais, donc, oh, t'es plus rien. Donc j'ose espérer. Mais il fait toujours son émission D-Full. Bien sûr. Mais c'est fou. Mais c'est le concept de la radio, c'est assez dingue. C'est quand même les mêmes gens. Non, mais indétérable. Ouais, tu comptais à la radio, tu ne bouges pas. Sauf quand on met Père Jupiter le dimanche au lieu de ton leçon. Oh, les gauchos. On les embrasse. Ils savaient qu'à mieux nous recevoir. On a été reçus et vraiment ils ne nous connaissaient aïe, aïe, pas. Aïe, aïe, aïe. Je tiens à dire que je suis en train de scroller énormément de photos de Darmanin depuis tout à l'heure. Ah. Mais j'étais pas obligé hein, parce que c'est non, un podcast non, audio. Mais... Hein, donc... non, mais ça m'empêche pas de participer. Mais c'est compliqué. Mais c'est un petit défi que je me lance. Lui ou d'autres. Être drôle hein. Et être de bonne humeur et en scroller. Son... Oui, trop... Mais tape juste bébé. Tape Balkany bébé. Ah bah j'avais écrit Darmanin vieux, mais je vais mettre Darmanin non, disais, bébé. Non, je disais, t'as juste bébé et dit que c'est Darmanin, c'était ça ma blague. Ah oui, pardon. C'est quoi, vous, votre premier souvenir, disons, un de peu porno. Érotique? Non, peut-être pas le premier porno, mais un truc où vous dites, tiens, tiens. Ah oui, c'est une bonne question. Tu moi si, je sais. Un dessin animé, probablement. C'était Dirty Dancing. Ah ouais, ouais Patrick crois. Swayze. Non, en plus la danseuse en fait. Ah crois. Oui, c'est ce ça. Ce qui est très bizarre parce que je suis hétéro bébé pourtant, mais. Non, pas bébé, ça va pas ou quoi. Non, mais assez petite, il y avait c'est un pas bébé la danseuse. Ah bébé le nom de la danseuse. Ah oui. Non parce que on ne laisse pas dans les coins. Non moi j'en ai rien à foutre de ce personnage. J'adore la blonde qui pour bon bref pour ceux qui regardent le film. Non mais ouais il y a un truc un peu dans ce film un peu très érotique. Bah, ouais. Ça s'appelle Danse lascive en québécois. Hein, tu parles de celle qui lui dit tu cours après ton destin comme un cheval sauvage. Ok alors il faut que je le dise à la radio puisqu'on a la radio. Arrêtez avec ça. C'est une réplique qui n'existe pas, qui si. A été non elle existe. Je l'ai vraiment. Adrien, vous embrouillez pas franchement. C'est trop con. Une réplique de la VF qui a été rajoutée parce que je pense qu'à l'époque ils se donc sont dit que ce film. Oui mais c'est pas le film d'origine n'a jamais écrit mais... ça. Non mais faut savoir que je. tu vois bien qu'il ne l'attaque pas sur ce film. Non mais ça m'agace parce que la VF est horrible sur ce film et oui c'est ça qui est drôle. Mais non, mais elle gâche. Bon, elle tu vas gâche pas me dire que c'est un chef-d'œuvre non plus en VO, arrête tes conneries. Bon, Adrien, en fait, bon. Je peux pas te saquer. Là, je t'aimais bien il y a genre 30 secondes. La là, vraiment, je peux pas te saquer. De Dirty Dancing. Non. Bah, mais pas... porte atteinte à non, l'heure. Honnêtement, non, je te rejoins. Degré, franchement, je suis pas d'accord avec toi. C'est, non, mais vraiment, c'est un des films. qui a ce qu'on appelle le female gaze dont on parle souvent aujourd'hui, oui, parce qu'on a tous grandi. On sort avec des mots clés woke et du coup on peut plus contredire, sinon on prend des problématiques. Il va pas te laisser parler. En fait. Je connais ces techniques. C'est vraiment ton co-host, mais c'est. Je, rappelle, je regarde des photos de Darmanin, c'est peut-être ça qui. Ah oui, c'est ça, c'est ça déteint. On l'a empêché d'hurler. En fait, il faut savoir qu'Adrien, on l'a empêché d'hurler en début d'émission. C'est une cocotte minute là, c'est pour ça. Un jour, tu t'y attendras pas, je viendrai te détruire. Ah ouais. Et bah tiens, une photo de Darmanin bébé. Oh, il est trop mignon. Non, il est mignon. Il est mignon. Non, non. Fais voir, Adrien. Ah, si. Ah là là, ça m'a brûlé la bouche, je le dis. Là. Non, non. J'ai pas vu. Montre-moi. Ah, si, si. Non, non, non, bah, si, il est pas mignon du tout. Non, non, il non. est un peu mignon. Non, non. Merci, Adrien. Mais t'es d'une mauvaise foi. Adrien. Il est pas mignon. Écoute, on il peut a être la de même gauche. Gueule que maintenant. On peut être de gauche et reconnaître que ce bébé est mignon. Bah, je lance un sondage tout de suite sur Insta. Trouvez-vous ce bébé mignon. Un Iranien dit n'avoir rien mangé depuis 17 ans. À votre avis, comment a-t-il survécu? Oh là. C'est beaucoup de il a mangé son pipi. Non, non, là, c'est bon. Il a mangé son pipi. Enfin, ouais, j'avoue, c'est chaud. Il a bu une des réponse, jus. C'est une réponse sans caca, sans pipi, sans sperme. Il a mangé des jus. Alors, pas des jus, non. Il a inspiré de l'air, là. C'est un mec qui bouffe de l'air, ça existe. Ah, non, ouais, enfin, ouais, ils font croire oui. que, mais. Oui, oui. Ah ouais, ouais, c'est comment un courant. Ça déjà c'est le pas vraiment. Prianisme, non. Priapis, c'est non, les Priapis, gens qui bandent tout le temps. Mais c'est pas loin. C'est Oui, a... c'est Babor qui a fait une vidéo sur ça, il me semble. Bah, moi, je. Il y a un long time. De toute façon, on est d'accord qu'il ment, en fait, tout simplement. Ah oui, bien personne. Sûr. Bah là, vous verrez la réponse. Je pense que ça me surprend que ce soit la vérité aussi. Non, c'est parce qu'il y a une chaîne de restaurants vegan qui s'appelle Loving Hut. Il y en a partout Pizza dans le monde. Il y en avait un à Paris avant et qui a fermé. Et il faut savoir que c'est. En fait, ça appartient à une secte. Yes. Et donc, en fait, quand tu vas dans le resto, partout dans le monde, ça, les écrans diffusent une chaîne qui s'appelle Supreme Master TV. Donc, qui est donc la chaîne de on la secte. Supreme Master TV. Ouais, ouais, mais, qui donc, fait c'est pas une secte femme. Du tout, complètement secte. C'est une femme, donc attention. Cocorico, je sais pas quelle est. Est-ce qu'il y a un Cocorico l'équivalent? Ah oui, le Cocorico des femmes. Et c'est une secte qui, entre autres. Prône le ce truc là dont j'ai oublié le nom le fait de se nourrir de se nourrir sans manger mais juste avec la lumière du soleil oui et l'air. Voilà oui, oui oui et tu dis ben bah, vous êtes un restaurant donc c'est un peu dommage de faire la promo de ça parce que c'est très contre-productif et du coup c'est un truc dans cet ordre là alors pas vraiment. Marjorie était plus proche quand elle parlait de jus. Ce que je disais. De jus. De jus. C'est pas un truc genre ils sucent les plantes. Alors ils ne sucent pas les plantes. Non parce que j'entends. Suceur de plantes. Dans le désert, si t'as soif ou je sais pas quoi, faut sucer un cactus. Ah bon, oui. Bon. Le faites pas sans. Ne vous faites pas en sans accord parental. Ouais. Ne faites pas en milieu urbain déjà. Dans un jardin land. Me semble extrêmement dangereux. Donc c'est quelqu'un qui n'a que bu des liquides. Alors attends, il a consommé un liquide qu'il soi-disant l'a rendu qui lui permet de survivre sans manger depuis près de 17 ans. Donc c'est le même liquide depuis c'est 17 ans. Du thé, ouais. Du feed. Mais déjà, attendez. Tu pourquoi, sais le truc, les repas. Ah ouais. Non mais tu sais, feed, c'est des repas en oui, shaker là. Bien sûr. On peut savoir pourquoi déjà il ne mange pas tout simplement. Je peux peut-être pas le temps, dire, mec. Il sort de peur. Bah, il est slasher déjà, il a plusieurs tâches donc. J'allais dire. J'allais faire une blague sur quelqu'un. C'est une boisson énergisante. C'est une boisson énergisante. Du Red Bull. Ah, du Coca. Alors. Du soda. Ouais, voilà, du bon, Coca, mais du soda. Mais tu serais mort pire. Depuis longtemps. Mais et puis, tu ne mangerais plus aussi, Florent. Bah oui, c'est vrai, moi, parce que moi, je consomme beaucoup de soda. Pour la plupart des gens, une alimentation équilibrée est essentielle pour maintenir une bonne santé. Pourtant. Pour tout le monde. Un homme pas en... la plupart des gens. Attends, peut-être qu'il dit, cela dit, qu'il a consommé soda à la série, peut-être. Non. C'est ça qui. Il l'a mangé. Bizarre. Ce serait fou. Un homme en Iran. Alors, bon, je vais pas dire son nom parce que je vais mal dire. Ghulam Reza Ardeshiri. Bah, tu viens de le faire. Bah, ouais, désolé pour les Iraniens. Très bien prononcé. Dit défier cette notion depuis près de deux décennies. Depuis juin 2006, il prétend ne pas avoir consommé de nourriture et se sustenter uniquement de boissons gazeuses, telles du soda. Cet homme d'âge moyen qui répare la fibre de verre pour gagner sa vie a réussi à envoyer. Et a réussi, c'est pardon. L'information. Très très inutile. Précis. Je ne répare que la fibre de verre. M'envoyez pas du placo, je vous crache à la gueule. Lorsqu'il se sent fatigué, la seule chose qui lui redonne de l'énergie sont les boissons gazeuses comme le Pepsi que l'on voit se verser sur une photo. Ce régime inhabituel à consommer a commencé à la suite d'une sensation étrange. J'avais l'impression qu'un objet comme un cheveu était dans ma bouche. Je sentais que la tête de ce cheveu était dans ma bouche et l'extrémité de mon estomac. Peu importe ce que je faisais, il était impossible de retirer ce cheveu. Cette sensation persistante, comparable à une suffocation, l'a conduit à consulter de nombreux médecins sans toutefois parvenir à un diagnostic clair. Malgré l'aide d'un psychiatre, il dit ne pas avoir réussi à résoudre le mystère de sa condition. Sa famille a même cessé de manger devant lui car la vue de la nourriture lui donne la nausée. En plus, son régime unique, Ardéchy prétend dormir très peu, environ 4 heures par nuit, et consomme jusqu'à 3 litres de soda par jour. Ouais. Ce qui était ma vie il y a... ouais, avant la naissance d'un enfant, donc moi je trouve ça pas fou. Quel donc moi je rajoute de la bouffe. Quel média relate cette information? En tout cas, bah, lui prétend le faire. Oui, voilà, c'est ce que je veux dire. Évidemment, voilà. Mais du coup, il y a. Enfin, bon, bref, comment. C'est très dur. Est-ce à qu'ils sont, ils mettent bien tout au conditionnel dans l'article ou alors ils. Oui, ils mettent prétendre. Ouais. Oui, oui, voilà. Ils comment prétendre. Ça arrive qu'une personne soit convaincue de faire ça et tout ça, tu vois, et qu'elle le déclare oui. et machin. Bah après, c'est il est peut-être pas convaincu, juste il ment pour faire son intéressant. Ouais. Écoutez... Mais c'est marrant de mentir comme ça. Genre, ah bah ça va me rendre trop intéressant. Je vois que des sodas. Tu sais, dit, on va tu es sur les réseaux sociaux comme moi, tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui marchent comme ça. C'est bien vrai. Michel Sardou. Bah, on l'embrasse. Il revient en grande pompe dans ce podcast. Michel Sardou a déménagé. Il a vendu son manoir et le maire de la ville où il vivait avant nous a appris que M. Sardou avait un perroquet. De quoi était capable ce perroquet? Il chantait les chansons les de Michel. Les bontons des colonies. Alors... pas ouais. celle-ci. Le temps béni, s'il te plaît. Mais pardon. Il chantait les lacs du Connemara. Putain, en boucle. L'enfer. Alors en vrai, pour compassion. Moi, l'inverse total, le paradis pour moi. Un perroquet qui chante les lacs du Connemara tout le temps. C'est bien, c'est... Ça me fait penser à les poissons là où t'appuies et ils chantent Rolling, Rolling. T'aimes bien cette chanson? Alors, ouh là là, non, attention déjà, à ce que tu vas dire. T'as fait une école de commerce? Moi, c'est lu juste. Le fait de me dire je vis dans un monde où il y a un perroquet qui chante les lacs du Connemara me fait plaisir. Moi, après, si je vivais avec, peut-être pas la même limonade. Moi, je rêve d'une situation si où je marche comme ça, et là il y a un perroquet devant moi, et je me dis pas sur ton épaule, trop marrant ce perroquet, et là d'un coup il fait, voilà. Et je le vois, et je l'imagine accélérer. Attends, est-ce que tu penses qu'un lynx, un lynx timide pourrait lui demander. Alors il faut savoir que ce perroquet s'était enfui. Et à un moment, la femme de Michel Sardou avait cherché ce perroquet et partout. Et l'entendait. Oui, mais ça va être mon mari. Et en fait, non, c'était le perroquet. Non, pas du tout, c'est pas vrai. C'est vrai, ça se confond, finalement. Non, mais moi, j'aime beaucoup... alors, les lacs du Connemara, oui, mais il y a plein de chansons de Michel Sardou que j'aime beaucoup. Allons bon, y a des te découvre. Donc, t'as écouté, J'ai écouté, et il y a une chanson qui s'appelle Le Phénix, des chansons... très c'est genre tu vois, des trucs comme ça, et il y a des chansons vraiment cool. Genre il parle de chansons. La renaissance de la France, un truc comme ça. Non, là il parle de la renaissance de Johnny Hallyday. Donc quelque part la renaissance de la France, Madame Brill. En Allemagne, un chirurgien. Attends, mais j'ai rien compris. Donc il a déménagé mais il a un perroquet qui chante. Quelle était la question déjà? C'était de savoir qu'il était capable de faire le perroquet de Michel Sardou. Mais t'as pas parlé d'une histoire de déménagement? Il y a une histoire de déménagement parce qu'en fait vu qu'il a déménagé le il a laissé le perroquet dans l'ancien appartement. Allez, non. Lui, on le laisse là. Bon débarras. Non, le maire de la ville a pu parler à Michel Sardou, parce que Michel Sardou voulait pas trop qu'on dise qu'il vit ici. Imagine un perroquet chez Watt qui chante en boucle tes chansons en vrai. C'est ça genre, que moi j'allais questionner. Chiant de ouf, non? C'est-à-dire, Adrien, est-ce que si de là tu rentres chez toi et il y a un perroquet qui refait tes blagues? Il dit, c'est Black Mirror. Voilà, imagine. Ça s'appelle Instagram pour moi. Ouais, voilà. Voilà, oh là là, les perroquets d'Instagram, vous avez eu le mot. En Allemagne, ça fait un moment qu'on le dit. Ça, non, ça change quand même. Un chirurgien a été viré d'un hôpital. Je vous demande pour quelle raison. Est-ce qu'il il a mis une main au cul à l'infirmière? Non, ce serait pas très marrant quand même. Non, je pense qu'il faisait des TikTok. Non. Il faisait un truc à un rapport avec Internet? Pas Internet. Un rapport avec l'Allemagne. Pété. Il a pété sur. Il a spermé. Je crois qu'un des trucs, mes trucs préférés quand même de pourquoi on fait cette émission, c'est des gens qui me regardent en disant il a spermé. Avec le regard plein de dis-moi que c'est vrai. Là, je crois qu'on a fait le tour. Là. On a non, eu non, là, il n'y a pas de pelé, il n'y a pas de sperme, il n'y a pas de merde. Il a fait mal physiquement personne. À quelqu'un. Okay. Alors, il n'a pas fait mal physiquement, mais effectivement, c'est plutôt. Ça... Il y a un petit traumatisme. C'est son travail en tout cas. Non, pas un traumatisme. Lié à son travail. Mais c'est lié à son travail de chirurgien. S'il a été viré, oui. On peut connaître sa spécialité. Non, mais ça le dit. Il est viré à cause d'une opération, c'est ça que je veux te dire. Il a laissé un truc dans la personne. Il n'a pas laissé un truc dans la personne. Est-ce qu'il a fait une erreur Il a fait une erreur pendant l'opération, quoi. Alors moi je trouve pas qu'il ait fait une erreur. Mais après je suis pas le directeur d'un hôpital. T'aurais pas pris la même décision. Moi je l'aurais pas viré. Ah. Et vous me direz, c'est ça va être intéressant. Il a voté Marine Le Pen, du coup. Il a volé l'orange à la manière de Michel. Il a opéré le mauvais pied, le mauvais. Non, il a bien coupé. Non, en fait, il a bien fait son travail. Il a amputé un orteil qui devait être amputé. Tout va bien à ce niveau-là. Il faisait trop de blagues en bloc opératoire. Il a fait un selfie. Il a fait un selfie. Est-ce que. Pas de rapport avec Internet, les réseaux sociaux? Non, pas du tout. Est-ce que c'est après l'opération qu'il a fait quelque chose? Ou. Alors, c'est. Avant, pendant ou après l'opération? C'est pendant l'opération. Okay. C'est quelque chose. En fait, il a fait l'opération. S'est très bien passée. Et après, on a appris quelque chose pendant l'opération. Et du coup, il s'est fait virer. Il était il s'est mis à poil. Non, pas à poil. On l'a dit en même temps. Tu peux quand même. Allez, réconciliez-vous, demande-moi pardon en fait. Désolé, Marjorie, j'ai envie de te dire. Vous avez dit en même temps, il est à poil. Bon, Ah oui, ça y serre la main. Ça me fait du bien, ça me fait du bien. Donc non, il n'était pas à poil. C'est ça pour ça. C'est quelque chose qu'il a infligé à ses collègues. Il a rien infligé. Aux patients. Non, rien. Ni aux patients. Mais moi, il m'a l'air super ce médecin. Est-ce qu'il a, il a chanté. Non, il a pas chanté. Est-ce qu'il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose pendant qu'il opérait. Ouais. Il a fait autre chose en même temps. Ah. C'est pas vraiment ça. Il a écouté de la musique ? Non, il a pas écouté de la musique. Il a écouté le Floodcast. Imagine. Non, mais il était en patin. Et en on l'embrasse. Non. Non, mais il y avait pas une histoire de dentiste en roller. Oui, oui, mais c'est pas ça. On est d'accord. J'ai un souvenir, mais j'arrive pas à savoir si je l'ai rêvé. Est-ce qu'il y a une époque les caissiers de supermarché étaient en patin à roulettes? Oh, je suis trop jeune. On voit dans les films, savoir. Ou c'est dans les films. Non, mais j'arrive pas à savoir si c'est dans la vraie vie ou dans les films. J'ai l'impression qu'il y a... Je me souviens. Ça me dit rien, mais alors, peut-être en Bourgogne. Si les auditeurs m'entendent, est-ce que vous avez déjà vu des gens qui travaillent dans les supermarchés en roller? Bah, aux États-Unis, il y en a. Hein. Mais je me demande si c'était pas vu en France. Non, mais c'était pas genre les gens dont le taf était d'aller chercher des prix. Et ils avaient J'ai l'impression que c'était ça. Peut-être des rollers parfois. Mais je sais pas si c'était mais dans un film caissiers. Ou dans la vraie vie. Donc je s'il y a des gens qui ont des souvenirs de vraie vie, ça, je serais. C'est bien cette émission, ça me permet de me sentir moins seul. C'est fou les. Pardon, mais je pense aux faux souvenirs que tu peux te construire des fois, tu sais, ou les. Et même les trucs collectifs où les gens. L'effet Mandela. Voilà, l'effet Mandela. C'est ça. Est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est l'effet Mandela? Flemme de ouf. Les gens auront qu'à le. C'est quand tout le monde est persuadé. Ça s'appelle l'effet Mandela parce que. Alors attends, c'était quoi le truc? Et c'est que les gens qu'il était mort. Se souvenaient qu'il était mort alors qu'il n'était pas encore mort. Oui, et plein de gens étaient persuadés qu'il était d'avoir vu la formation qu'il était mort. Ouais. Ouais. D'avoir vu l'enterrement, des images de l'enterrement et c'est tout, ça. Alors qu'en fait non. Mais il y en a avec plein de trucs. Il y a par exemple plein d'Américains qui se souviennent d'une émission pour enfants des années, je sais plus, 80, et ils peuvent décrire les personnages et tout, et il y a aucune trace de ce truc-là. Ah, c'est pas Sinbad, pas. Machin, c'est pas ça. Oui, ça c'est un autre truc que j'avais vu. Ça c'est un film qui était sorti, et tout le monde dit mais si, moi je l'ai vu quand j'étais petit. En fait, il y en a plein des ouais, trucs comme fou. Ça. Ouais. On est zinzin. Ouais. L'animateur Nagui, par exemple, n'a jamais existé. Ouais. Il croit Nagui. C'est une hallucination collective. Oui, il n'existe pas. Bon, qu'est-ce qu'il a fait ce chirurgien merde. Alors, vous savez quoi? Petit indice, il n'était pas tout seul. Il a couché avec il a ramené, il a ramené son pote ou son fils ou sa famille pour regarder. Il y a eu deux chemins de deux invités qui étaient bien. Ouais, il était avec son fils et l'autre incroyable. Il s'est fait sucer. Par la patiente. Non, pas du tout. Ah non, mais. Non, mais quoi non, mais elle consentant. Ah, consentante. Alors oui. Stylé, mais en lui amputant l'orteil. Bah, faut que ce soit une anesthésie. On juge pas les. Faut pas que ce soit une anesthésie générale. Faut que ce soit une anesthésie locale. Oui, ultra motivé. Mais pour penser à autre chose, non, pourquoi mais chacun pas. Son kink. Il y a ceux qui se font couper la bite pour la faire manger là, ok, pourquoi pas. Mais donc il a amené quelqu'un avec lui. Très. Alors, oui. Son chien. Pas son chien, un quelqu'un, un humain. Un pote. Pas sa mère. Un touriste. Ah, son bébé, il y avait son bébé. Non. Un non. Touriste. Non. Quelqu'un de sa famille. Son comptable. C'est pas quelqu'un de sa famille, c'est pas quelqu'un de proche en vérité. C'est quelqu'un. Quelqu'un pour filmer. Un SDF. Non, pas un SDF. Un journaliste. Ça, non. Peut-être une bizarre. Faute quand même. Hein, c'est... Ah bah non, pas un journaliste. Non, je vais vous donner la réponse. Non. Aïe. Il déteste quand même. Ah, un chanteur qui est venu lui chanter la chansonnette. C'est pour les Dells concentrés. Bah, j'adorerais. Non, c'est quelqu'un qui était là carrément. Pour regarder. Ouais, il l'a amené pour se la péter ou. Non, il l'a amené pour lui donner un coup de main parce qu'à un moment il a eu besoin d'aide. C'est pour ça que je trouve que son licenciement est un peu abusif de mon côté. Et c'est quelqu'un qui n'est pas dans le domaine médical. Sa femme, c'est son voisin. Alors attends, il avait besoin de faire quelque chose. Un plombier. On s'approche. Imaginez, il est à l'hôpital, il fait une opération et en gros, il était en manque d'assistant. Ouais. Du coup, il a demandé de l'aide à quelqu'un qui n'était pas du tout. Un mec qui attend dans la salle d'attente. Pas un mec qui attend. Quelqu'un qui était quand même dans l'enceinte de l'hôpital à ce moment-là. Un proche, un proche du patient. Le gardien ou le concierge, c'est ménage, ça, oui, l'homme okay. de ménage, exactement. Wow. À l'hôpital universitaire de Mayence, le directeur général de l'hôpital a déclaré que le chirurgien avait décidé à tort de poursuivre la procédure de routine alors qu'aucun assistant qualifié n'était disponible. Et vu qu'aucun assistant qualifié n'était disponible, il a demandé au concierge, à l'homme de ménage, de l'aider, sachant que l'aider c'était tenir juste le scalpel les trucs. Je trouve ça trop stylé, moi. Mais attends, non, mais en vrai, en plus, c'est vraiment pas de sa faute s'il y a des problèmes de coupure de personnel. Mais en gros, il aurait pas dû prendre la décision d'opérer. J'allais le dire. En fait, c'est ça. Il aurait dû pas faire l'opération s'il n'y avait pas assez de là où je suis un peu, comment dirais-je. Après, ils avaient 30 minutes pour remplacer le cœur, donc c'était chaud quand même. Mais tu vois, c'est ça. C'est ça où je suis tiraillé. C'est que si c'était quelqu'un qui était sur le point de mourir, je trouve ça normal de faire ce que tu peux. Là, c'est une opération de l'orteil. Si c'est genre un ongle incarné qui a mal tourné, comme moi j'ai eu, je vous rappelle. C'est vrai. Mais bon, je me suis pas fait amputer. Ouais, est-ce que là, il y a besoin. Chèque, non, je sais rien. Ça, on ne sait pas. Le chèque peut-être... que le concierge n'a pas dû voir. Non, c'est vrai. Mais, il y a peut-être aussi un petit truc d'ego de chirurgien, genre, mais moi, c'est bon, je le fais avec n'importe qui. Ouais. Tu vois, donc c'est peut-être un connard. Cela dit, mais en même temps, il n'y a pas de moyens. C'est ce que j'allais te dire, parce que cela dit, ils voulaient que ça reste secret à la base. Ça s'est su parce qu'ils ont retrouvé dans la. Donc, on appelle ça dans le bureau. De balai, l'agent d'entretien. Balai, ouais, non, mais des tampons de. Ah, mais on a fait la même blague. Des tampons ensanglantés, tout simplement, de coton ensanglanté dans la truc du de l'homme de ménage. Attends, le concierge, il est reparti avec les. Genre, oh, mais j'emporte ça. Donc, okay. Je le mets pas à la poubelle, je les amène au bureau. Je retire tout ce que moi, j'ai dit. Je trouve que c'est une belle histoire d'amitié. J'ai envie de faire un Pixar. C'est presque intouchable, c'est en même temps pas du tout. Ce serait génial que ce soit le titre du film. Presque intouchable en même temps. Presque intouchable. De ouf, mais bon. 9 fois sur 10, impossible de le toucher. C'est Ratatouille. On a pu un peu l'effleurer, mais vraiment pas plus, quoi. J'ai un pote qui dit qu'il l'a touché, mais en même temps, il a tendance à mitonner. Effleurable. Donc... Ouais. Effleurable. Allez, on a le titre de l'épisode. Avec Virginie Effleurable. Oh, allez. Il est fort, il me régale. Cache la table. Au Japon, oui. Que pouvez-vous acheter Que pouvez-vous acheter avec 6210 euros Bah, alors, plein des, de trucs. Alors oui, des culottes évidemment de qu'on peut acheter plein de choses. C'est un truc de cul. C'est pas un truc de cul. Ok. Je vais vous dire, même il y a plus trop de trucs de cul dans l'épisode là. Je peux vous le dire tout de suite. Ah merde, on a perdu la moitié du de voilà, de la là, ça a déconnecté. Ah, restez... en fait, tous les enfants de 13-15 ans sont partis. Mais pas tout le cul au début. Ah ouais, c'est ça. Non, c'est... Mais pas tout le cul au début. Tout on me l'a souvent dit. Toute la bise au début, plus rien, plus rien à se mettre. Attendez, il y a les recommandations culturelles. On peut encore recommander des trucs un peu sympas. C'est du gros porn bien crade. Ces mamies veulent baiser près de chez toi. C'est une pensée pour l'enfant de 12 ans qui en a parlé tout à l'heure. C'est de la robotique. Ce n'est pas de la robotique. Alors. C'est pas un déguisement, un déguisement. Pas un déguisement. Parce qu'il y avait les déguisements de chiens. C'est culturel. Bien. Ce n'est pas culturel. Donc le côté japonais ne va pas vous aider. C'est pas propre au Japon. Ouais, voilà. Non. Ok. C'est lié au milieu du travail. Non. Mais pourquoi au Japon du coup, genre parce chez que nous c'est on peut au pas Japon le faire. Tu peux le trouver. Chez nous on peut pas le faire. En tout cas, ce n'est pas vendu là-bas. Okay. Ce n'est pas vendu chez nous, pardon. Okay. C'est vendu au Japon. Putain, c'est quand même. Non, on pourrait complètement le faire chez nous. On pourrait le faire dans tout. Enfin, juste dans ça pays existe du monde. Pas. Dans des pays en tout cas, voilà, où le capitalisme est roi. Comme ces pays où il y a des sèches-linges, tu veux dire Des sèches-pleurs, des quoi c'est des sèches-pleurs. Parce que des sèches-linges, il y a beaucoup de pays quand même. Non, sèches-linges, on m'a dit. Pardon, j'ai entendu sèches-linges. Ceci dit, sèches-linges, je trouve ça fou. C'est super les sèches-linges. Bah moi, je trouve que ça sert à rien. Arrête, ça sert à sécher le linge en vrai. L'électricité et tout mais ça. Oh, ça va. Non, mais écologiquement, j'ai encore utilisé aujourd'hui mes vêtements quoi, en tout fait. Vous allez faire quoi? T'as dit quoi, Manon? Je rétrécis mes vêtements, c'est pour ça que j'ai arrêté. Ah, oui. Bah, moi, je le fais que pour les sous-vêtements parce que. Parce ça que va. Tu peux faire rétrécir tes sous-vêtements. Okay. Non, mais bon, en vrai. Non, ça... je vais pas là-dessus, je retire ça. Non, non, j'ai une énorme queue. C'est pas ça. C'est pas du tout la question. C'est. Mais c'est bien qu'on en parle une bonne fois pour toutes parce oui, que. Voilà. Non, mais je vois les petits sous-entendus et tout. Donc, c'est quelque chose qui pourrait exister ici, mais qui, se vend... qui existe ici, mais qui se vend pas. Bah en tout cas, qui se vend pas aussi cher. Imaginez ah, qu'est-ce qui se vend ici, mais moins cher. C'est de la bouffe ou pas? C'est de la... voilà. C'est... Ah, est-ce que c'est de la... le, fameux, le fameux le poisson empoisonné là qu'il faut préparer? Ah non, j'ai vu ce truc là. J'ai vu ce truc là dans une ça, vidéo. Vraiment, il y a un truc. Bon, je vais faire encore le vegan. Mais arrête, vraiment, il y a des animaux qui vraiment disent ne me mangez pas. Et vraiment, ils disent si. On va, ça va nous coûter beaucoup faire, de temps, d'argent et d'énergie, mais on va le manger. En fait, j'espère pas... qu'il est vraiment délicieux. Quoi. Arrête de croire qu'on te mangera pas sous prétexte que t'es mortel. Je dis merci à Google Home et je dis aux animaux que je les mange pas au cas où. S'il y a un soulèvement des animaux et des robots, je suis safe. Donc c'est un truc qui se mange effectivement. Donc c'est un truc qu'on consomme ici pour beaucoup moins cher. C'est un peu dégueulasse. Beaucoup, oui. Ouais. Enfin, après. C'est par rapport aux ingrédients aussi. C'est, tu vois, c'est dégueulasse ou c'est. Ah non, c'est, apparemment c'est très très bon. Un plat donc c'est très pas rare. Dégueulasse en tout cas. C'est très rare. Pas... C'est très rare. Attends, c'est utilisé. Un plat qui coûte 6000 balles. Ouais. Bah il y a de l'or dedans. Comme l'autre là, le. Oui. Salt le Bay, là, le mec qui faisait des plats avec de la feuille d'or. De... Bah, qui est horrible ce gars d'ailleurs. Oui, qui apparemment, oui. Et a plein de trucs, plein d'affaires. Exploite des gens, ouais, et, c'est, fin, ça. C'est terrible. Et il faisait à la Coupe du Monde. Un escroc. À la Coupe du Monde, il s'était foutu sur le terrain. Et il avait pris des photos avec la Coupe du Monde, avec l'équipe d'Argentine. C'est eux qui ont gagné ? Je me souviens plus. Je crois que c'est oh, la oui, attends, c'est mais enfin. J'adore le foot. Et il était monté sur le terrain. Enfin, monté, descendu du coup, sur le terrain. Je regarde pas le foot. Ouais. Et il avait pris la Coupe du Monde, il l'avait embrassé tout. Ce qui est en fait, il a interdit à vie de n'importe bah quel oui, stade parce que t'as pas le droit ça. De faire ça. Bah ouais. Et bon, il se croit tout permis, le mec. Comme quoi, où ça mène le sel. ça commence les mêmes. T'as vu, c'est une gateway drug. Hein. Tu commences par le sel et après c'est une vie criminelle. Donc un truc qu'on mange ici pour beaucoup moins cher. C'est ça. Parce que là-bas les ingrédients sont beaucoup plus chers. Bah après là-bas tu peux aussi acheter le même plat pas cher du tout. Mais le fait est que la façon de faire ce plat-là. Est-ce du fromage? Ce n'est pas du fromage. Mmh. L'été arrive. Oh. On se mange comme ça quand c'est l'été. Une petite pastèque. Non. Des cacahuètes. Des cacahuètes. Oui. Des cacahuètes. Des cacahuètes, c'est synonyme d'été pour vous? Je sais pas, pour l'apéro, l'apéro. Oui, non, avec le rosé quoi. Du gaspacho. Non, pas du melon. Un melon. Du melon. Non. Tu peux dire des légumes avec qui tu vois marrante. Des baby carottes. Je peux. J'ai fait. Ma mère disait melon, ça me faisait rire. Ah, du melon. Du melon. Ah là là. Non, là c'est vraiment penser été, penser chaleur. Qu'est-ce qu'on du mange quand il fait chaud? Pamplemousse. Des glaces, des glaces, ah. des glaces pour 6 000 euros. Une glace salée. Ouais, une c'est vrai qu'il y a des glaces salées. Allez-vous faire foutre. J'étais sûr que c'était. Moi j'aimerais juste être là pour voir quelqu'un manger la glace et lui mettre un coup de poing juste au moment où il goûte la glace. Alors sachez que c'est attends, la glace. Attends, c'est à quoi? Je vois ce que tu veux dire. C'est la glace. Allez-y, goûtez. J'ai juste le poing brandi comme ça. Non, non, mais allez-y, mangez-la. Et dès qu'il pose ses lèvres, je lui mets un coup de poing. T'as fait le trajet jusqu'à Tokyo juste pour ça. Non, mais je veux qu'il l'ait un peu dans la bouche quand même pour que quand je tape, ça ressort un peu sur le côté. Tu vas voir, ça lui écrase. Alors effectivement Manon, très bonne question, à quoi est cette glace? La crème glacée est composée de feuilles d'or comestibles. Ah bah voilà. Je l'avais dit. Je hurle en fait. De parmesan, mais également de morceaux de truffe blanche. De parmesan, blanche. Oh, Attends, des morceaux de truffe, parmesan, genre ça fait vraiment... Dégueulasse. Oui. On va faire une glace très très chère, avec les tous les ingrédients des riches. Il y a des billets. Des truffes. Il y a des billets. Il y a la rue de la paix dedans. Il y a un jacuzzi. Et aussi donc oui la truffe blanche et un petit mot qui se plaint des grèves des éboueurs aussi. Là dedans tu déplies, tu fais quand même les éboueurs et tu le manges. Cet ingrédient rare donc la truffe blanche cultivée en Italie est vendu à plus de 15 000 euros le kilo. Donc déjà, ça vous donne un peu un indice. Putain. Le tout est ensuite agrémenté de lits de saké. Il nous a fallu plus d'un an et demi pour la mettre au point, avec beaucoup d'essais et d'erreurs. Okay, ça me donne un peu envie, en fait. Des erreurs. Ah, moi, ça me dégoûte. Les ingrédients me... Mais c'est ça, moi, pour moi, glace, c'est vanille, point. Enfin, non, c'est... mais surtout, parmesan, goût très fort. Ouais. Non, mais ça dépend comment tu le doses. Ça dépend comment tu le doses. Tu peux être étonné. Ouais, j'imagine qu'il y en a beaucoup. Tu peux être étonné. Mais moi, je peux toujours être étonné. Je suis un grand enfant. Hein. Ouais. Bah, lui, au Futuroscope, toujours étonné. Hein. J'étais à Europa Park là, hier avant-hier. Ah oui, ah ouais, j'ai vu vos stories. C'est pour ça que j'ai une casquette car j'ai un énorme coup de soleil sur le crâne. Bref. Mais non, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup de ces ingrédients si c'est aussi cher. Donc, ouais, le dosage à mon avis est pas très finaux. J'imagine qu'il y en a pas beaucoup et que c'est juste une arnaque. Ah, si c'est pour arnaquer les riches, attention, ça me plaît énormément. Bon plan. Un représentant de Celato qui a dit ça, qu'il a fallu plus d'un an et demi au-delà Gelato, de cette distinction. La glace. La société souhaiterait créer une recette associant des saveurs européennes et japonaises. Une sorte de dégustation a été offerte aux personnes de l'entreprise qui a pu goûter la glace en avant-première. Les employés ont décrit une expérience gustative intéressante. Non. Ah, c'est déjà le bon mot. Quand on dit intéressant. Alors c'est comment? C'est ce que je dis sur les bébés des gens quand je les vois. Non, mais en plus, quand tu sais la culture dans l'entreprise au Japon, je pense que c'est vraiment juste des employés très polis qui ont tous dit oh, c'est bon, c'est bon. Ah ouais, effectivement, le goût et la texture, par contre, du produit sont uniques. Et désormais, la marque penche sur de nouvelles combinaisons d'ingrédients pour ses futures crèmes glacées en utilisant par exemple du champagne ou encore du caviar. Donc, vraiment, comme Donc, c'est pas que bon, des mais trucs des ingrédients de riche. C'est ridicule. Oh, arrête, oh. C'est ridicule. Selon une étude, quel serait le signe astro le plus intelligent? Alors, évidemment, vous allez me dire, bah, évidemment, les enchaîner. Mien. Ceux voilà. qui croient pas à l'astrologie, déjà. Non, en fait, tes bêtises. Mais je vais vous demander sur quoi est basée l'étude. C'est sûr donc, que déjà, c'est pas verso, parce que moi, si je suis verso. Je peux dire, je suis pas la plus maligne. Je suis sacré en con. Alors là, je suis pas le couteau plus aiguisé bah, du tout. Bien sûr. Déjà, on pourrait dire, comment est-ce qu'on mesure l'intelligence? Alors, justement, en l'occurrence, c'est pas vraiment ça. Tu vas voir. Même le QI lui-même est déjà très. On pourrait peut-être dire un truc, genre, les enfants qui rentrent, tu sais, genre, si t'es né en décembre, t'es très jeune par rapport à tous les autres enfants de ta classe. Donc t'as fait plus d'école. Potentiellement, c'est genre quand t'es c'est en CP, verso, quand t'es en CP, enfin ou même je sais pas, quand t'as 4-5 ans, t'as 6 mois de vie de moins que les autres. Ouais, ok. En vrai, genre c'est énorme à ce âge-là. Ouais, je vois. Donc t'accumules un retard. Putain, mais la réponse serait super si c'était ça, mais c'est pas du tout. C'est ça. Juste un signe. La réflexion. Non, non, non. Il suffira d'un signe d'ailleurs. Très bonne chance. Mais c'est. Non, vous allez voir, c'est basé sur un truc. En fait, c'est pas vraiment pour être le plus intelligent, c'est juste qu'ils ont fait une espèce de truc de base de données. Pour oui, dire, okay, ils ont fait des tests à des gens. Pas ils ont... des tests à des gens. C'est un classement des signes c'est du basé plus sur l'histoire. Sur l'histoire. Ah, ils ont pris des personnages historiques. Ah, ils ont pris les chefs d'État. Non. les génies Oh là là, c'est sacré. C'est poisson. Les génies, pas poisson. Les scientifiques. Les... C'est pas poisson. Je suis content que Marjorie continue à jouer au jeu de base. Les présidents. Moi, je suis juste. Signe. C'est Gémeaux. Mais ce n'est pas Gémeaux. C'est Gémeaux. C'est Gémeaux. C'est Gémeaux. Ah, bah c'est comme moi. Allez. Bon, t'as vu, t'as quand même une petite fierté. Je dis tout le temps, exactement. C'est ce que j'ai dit. Je suis un peu triste de parler. J'en ai rien à foutre. Et là, je suis là. Ouais, ouais, c'est moi. Bah, c'est là-dessus que marche l'horoscope. Exactement. Donc, c'est basé. Non, mais t'étais pas loin. Comment pas les génies de l'histoire. Comment on les reconnaît, les génies de l'histoire? Les artistes. Pas les artistes. Ils ont une moustache la langue. Et tirent la... Allez, il y a des génies autour de la table ou quoi? Ceux qui sont précoces dans l'apprentissage d'un truc, quoi. Alors, non, c'est pas ça. Alors, non pas les génies, les... Bah, près de 900 les quelque chose. Si, c'est les des inventeurs. Génies d'une certaine manière, mais je vous demande un mot plus précis. Ceux qui sont restés dans l'histoire, tu veux dire, genre? Bah, d'une certaine manière, ouais. Les stars. Ils sont près de 900, je peux pas vous dire mieux. Comment 900 ça quoi les... Dans l'histoire, ils sont 900 à avoir cette distinction. Être gémeaux. Il n'y a eu que 900 gémeaux. Les prix Nobel. Très bonne réponse. Oui, oui, oui. De Marjorie okay. Lenoant. Ils ont pris les prix Nobel Marie et ils ont vu qu'il y avait gémeaux. Une majorité de. Voilà, de bah, gémeaux. Je sais pas si. Marie Curie, seule personne à avoir eu deux prix Nobel, c'est une femme. On peut le rappeler. On je sais pas si elle est gémeaux. 900 personnes qui ont eu le prix Nobel. 900 lauréats de prix Nobel. Par son mari, mais. Tout domaine confondu, ils ont fait sa création. En 1901, ces prix sont décernés chaque année à des personnes ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité. Voilà. Donc, oui, ça va de Marie Curie à Bob Dylan. Hein. C'est vraiment très large. Attends, Obama. Ouais. Quoi? Bob Dylan, il est prix Nobel. Je sais pas. De littérature même, je crois. Semblait. Ouais, ouais. C'est vrai. Ouais, moi, je suis fan de Bob Dylan. Ouais, ouais, non, c'est très récent. Et donc, il est gémeaux. Et lui, je sais pas s'il est gémeaux, en l'occurrence. Mais effectivement, il y a le plus, parmi les 200, il y a 90. Ah, si, Bob Dylan est gémeaux. Putain, l'article le dit, c'est fou. Alors, 97 ouais. Natifs de ce signe ont reçu un prix Nobel entre 1901 et 2019. Ah, c'est la moitié. Ah non, ouais. Attends. Si, sur si, 200. Quasiment, ouais. Deux, attends. Non, sur 900. Attends. Ah, sur 900. Oui, oui, parce que sur 900, il y en a 90. 100, ouais, un neuvième. Ok. Voilà. Bon, bah, les futurs parents ouais, baisés en septembre. Il y a 12 signes astro, c'est oui, ça, c'est, ça pas, c'est, donc pas c'est pas hyper. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Oui, donc vraiment. Parce que sur la deuxième marche, il y a 93. Ce qu'on appelle Nobel. Scientifiquement une coïncidence. Ouais. Les deuxièmes, c'est les balances. Les troisièmes, balance, c'est. Balance, les... balance, balance-toi. Bah, bien sûr. Tony Parker. Frérot de basket. Sur le troisième, c'est les vierges. Et voilà. Et pas moins de 88 personnes. Et les taureaux dans, là-dedans non, mais, C'est des bons connards. Ouais, des gros. 73. 73 ils adorent manger Nobel. Ou quoi et visiblement, les plus cons seraient les Verseaux. Voilà. Putain C'est vrai, non la bonne ils ont 60. Alors, je l'article savais. Ne le dit pas comme ça, j'ai pris 2-3 libertés oui. éditoriales. Mais ils sont c'est sympas. Terrible qu'il y ait vraiment, ils ont 65 prix Nobel. Un fusil de Tchekhov. Voilà. Ah non, pardon, excusez-moi. Non, il y a pire. Excusez-moi. C'est les Capricornes. Ils ont 58 prix Nobel, ces gros tocards. Ces gros nulos. Non, bien sûr que non, c'est les Capricornes nés entre le 22 décembre et le 20 janvier. Mais c'est gros ça. Ma fille l'a raté, ma fille l'a grosse raté. C'est juste qu'ils aiment pas faire des études, mais qu'ils sont grave créatifs, ils mais font ouais. autre chose en fait. Oui, oui. Ce qui compte, c'est d'avoir du cœur, non? Bah, de toute exactement. Façon, exactement. Voilà. C'est très beau ce que tu viens de dire. Le quotient émotionnel. Après, il a juste dit que Dirty Dancing était pas ouf, hein, il a pas. Ah c'est trop, pardon je vais relancer, j'ai mis une pièce tout dans soon, la machine. Tout soon. C'est comme si je disais les vêtements de maintenant sont mieux que ceux d'avant, tu vois. Là c'est fini quoi. Oh non elle pleure. Bon on passe en recommandation. À votre avis, t'es fan de tech Adrien, j'aimerais juste me être sûr avant de c'est reprendre. C'est dans mes veines la tech. Ah, c'est dans... Eh bien il y a une marque sportive qui a lancé un vêtement. Une appli dans les vêtements. Du futur. Okay. En quoi consiste ce vêtement? Alors, c'est une marque connue? Pas du tout une marque connue. Ah, ok. Un vêtement qui je identifie peux pas vous dire les le nom problèmes de la marque, médicaux. La... Non, pas qui identifie les problèmes médicaux. Bah, c'est une idée de. Elle prend ton balai. C'était quoi le truc? Un vêtement qui identifie tes problèmes médicaux. Mais ceci dit, c'est une idée de génie, ton, mais c'est juste. Ton rythme cardiaque. Ah oui, par oui. Apple Watch. Bah, par exemple. Apple Watch. Bon, allez. Il y a aussi une bague. Il y a des bagues. Il y a des bagues qui donnent ton humeur aussi. Ah ouais? Des mood rings. Elle change de couleur. C'est bleu. Ça veut dire que t'es de belle humeur. Elle est trop mignonne. T'es pas capricorne, non? Si t'es... Oui. Oui, c'est vrai que je vous ai pas demandé autour de la table ce que vous étiez parce que je m'intéresse assez peu. C'est vrai. J'aurais pu, ouais. J'aurais pu en jouer. J'aurais on l'a dit tous les trois spontanément. Ouais, c'est vrai, on l'a dit tous les trois. Donc non, ce n'est pas ça, Marjorie. C'est pas des. C'est pas une Apple Watch en vêtements. Est-ce que... Ah, attends. Elle dit que t'es dans une avalanche, ça existe. Ouais, non, c'est pas ça. C'est lié à la pratique du sport. Pas que, en vérité, n'importe quoi. Ça peut servir au quotidien. Ça servira au sport, mais au quotidien, ça peut servir. Elle fait pas GPS. Rapport avec la transpiration ? Pas rapport avec la transpiration. Ça te fait maigrir. Ça ne te fait pas maigrir. Ça c'est être jaloux. Confond avec être jaloux. Ça fait appli de rencontre. Oh, ce serait fou. C'est flippant. J'ai l'impression que c'est une série. Enfin bon, je veux pas. C'est un truc, un usage quotidien dont on a besoin dans la vie de tous les jours. En fait, vous en avez pas spécialement besoin, mais ça peut aider. Mais c'est un truc, c'est ça répond à un truc qu'on fait tous les jours. Ah, tous les jours. Ok. Là, ça t'aide à respirer. Non. Est-ce que c'est lié à une activité genre physiologique du corps humain? Que dis-tu, c'est quoi physiologique? La transpiration. Enfin, c'est une activité du corps du ou sperme, c'est du caca? Ça t'aide à bien spermer, mon pote. Ok, non, c'est pas ça. Ça t'aide à bien. Non, en plus, t'as dit qu'il y avait plus de trucs de cul. Ouais. Bah non, je suis désolé, pardon. J'ai tenté au cas où, peut-être t'avais oublié. Ah, je suis redéçu. Je suis redéçu, putain. De le réentendre, ça t'a refait mal. Merde. Elle te dit. Elle fait GPS. Alors elle te dit rien. J'ai déjà dit. Vous êtes dans les applis. Vous êtes dans les applis. Elle ne te dit rien. Elle aide vraiment à faire quelque chose. D'accord. Ah, elle... Donc elle, le corps, au niveau du corps. Au niveau du corps. C'est pas physiologique dans le sens. Elle te fait avancer plus vite. Qui a dit ça? Moi, c'est moi. T'as dit quoi? Je suis la dame au fond de la table. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous appelez? Marjorie. Bonjour. J'ai pas entendu. Elle fait aller plus vite. Elle te fait aller plus vite. Mais de comment? Elle te fait marcher plus vite. Elle t'électrocute. C'est quel vêtement? C'est quel vêtement? Des chaussures. Tout simplement. C'est les chaussures qui courent vite. Oui. Celles dont on parlait à l'école quand on était petit. Mon Dieu, qui avait des roulettes. Bah non, moi quand j'étais petit, à chaque fois, c'est la phrase c'est des chaussures qui courent vite. Mais si elle va plus vite que toi, tu pars après tes chaussures. Alors, elles ont des petits ressorts dessous. Alors, c'est des chaussures. Et ça, il y a eu. Et elles ont été bannies en NBA, ces chaussures. Ah. Ah, oui. Des chaussures qui étaient censées te faire sauter plus haut, avec des petits ressorts dedans. Ah bah c'est normal que ce soit et banni, la NBA a dit on bannit ces chaussures. Triché. Mais là, c'est quoi? Parce que sinon, c'est juste des patins roulettes. Alors, non, ça permet. C'est des chaussures robotisées qui permettent de marcher à 11 km/h. Faut savoir que 11 km/h, c'est 2 à 3 fois plus vite que la moyenne. Mais c'est. Parce que moi, j'ai vu des chaussures comme ça et c'était effectivement des roulettes. Attends, dessus. Alors, ces chaussures s'appellent les Moonwalkers. C'est ça, ah bah, ça va en arrière ça en plus. Prend la... ça prend la forme d'une sorte d'une petite plateforme qui se cale sous la chaussure avec des velcro et équipée de petites roulettes effectivement qui vont accompagner. J'ai vu la vidéo c'est ridicule. Non mais ça existait déjà quand on était jeune. Alors non, c'est pas le truc. Mini... Non, c'est pas la petite roulette qui fait de la lumière. On parle des Elise. Je sais pas. Les trucs mais où c'est hyper angoissant. C'est pas le Elise, c'est Moon. C'est hyper angoissant parce que si ça s'emballe, s'il y a un problème informatique. Attends, tu marches sur le trottoir sur la piste cyclable. Comment on fait? Non, le mouvement n'est pas du tout le même d'ailleurs, ça nécessite pas d'apprentissage. Alors non, pardon, ça n'a rien à voir avec les patins à roulettes. Ouais. Le mouvement n'est pas du tout le même d'ailleurs, ça ne nécessite pas d'apprentissage particulier. On ne patine pas, marche tout simplement mais plus vite. J'ai vu une vidéo, ça n'est pas du tout instinctif. En fait, l'avant de la chaussure se plie pour suivre le mouvement des orteils, donc vraiment comme une chaussure normale. Et cette chaussure robotique va accompagner le booster et booster chaque pas en fait. Ça fait genre. Bah, tu dois avoir l'air d'un con. Et hop là, et hop là. Mais voilà. Évidemment qu'il y a un truc, il y a une période d'apprentissage. D'ailleurs, j'ai vu la vidéo, je crois que c'était Casey Neistat, le célèbre youtubeur. Vlogger. Mr. Beast, bien sûr. Et Mr. Beast. Qui sourit très bizarrement, j'avais jamais remarqué. Mais il y a un autre truc sur YouTube. Non, Mr. Beast. Il y a des gens qui travaillent sur YouTube autour de la table. Les visages sont flippants maintenant sur YouTube. Pourquoi non, mais ben, calme-toi. Non, écoute-toi des gens. Tout ce qu'on peut. Non. Il y a une tendance à la retouche. Mais beaucoup. Cartoonesque. Ah, alors moi, il n'y a pas très longtemps, je me suis procuré une petite caméra. Genre, en fait, je filme jamais moi-même depuis le début sur ma chaîne. C'est quelqu'un qui. C'est mon Bart que j'embrasse et tout, mon réel. Bref. Et en fait, de temps en temps, j'ai besoin de faire une ristourne, un truc. Bref, je me suis procuré une petite caméra. Et j'ai mis une ristourne. J'ai dit. Merci de l'avoir relevé. J'ai même pas entendu. T'inquiète. J'ai besoin d'argent. Non. et donc, en fait, donc je me filme avec cette caméra pour faire, bah, notamment, par exemple, des fois, on fait les placements de produits à posteriori, donc je les enregistre après. Et en fait, je vois pas aller sur le petit retour de l'image ce que ça donne. Et après, quand je le mets en gros sur mon PC pour monter, j'ai la peau mais toute lisse. Ouais. Et en fait, il y avait un filtre dans la caméra vlog. Ah, et du coup, j'ai l'air ultra con parce que je commence un peu près et il a pas encore capté mon visage, donc il y a mes rides. Oh, et d'un coup, et du coup, je fais ah là là, tu peux le désactiver quand même. Oui, mais je l'ai vu après. Alors, vous êtes pas obligé de le dire, je le biperai, mais là, par exemple, il y a une vidéo YouTube tout à fait lambda et vous voyez, il y a un effet un peu flippant sur les visages qui n'est pas du tout dans la vidéo et qui est un truc qui est de plus en plus chez des gros youtubeurs. Et j'ai été victime moi-même de ça. Ah oui, dans une vidéo. Je vais pas dire laquelle, mais j'avais tourné dans une vidéo et quand j'ai vu. La. Oh, il faut pas dire vignette. Tu dis quoi toi? Miniature. The thumbnail. Ben, thumbnail. Mais c'est vrai que t'es bilingue, c'est ton talent caché. Thumbnail. Et j'ai vu ma gueule et j'ai fait ah, ça n'est pas mon visage. C'est autre chose. On dirait le réglage clarté pour les gens qui font de la retouche photo. Ça a été passé dans un truc exprès? Bah je sais pas, c'est des graphistes j'imagine, oui, des gens qui je pense que c'est des graphistes. En tout cas, les chaussures, je sais pas si c'est des IA qui permettent avec vos d'aller trucs vite du futur. Ouais. Et bah ça sert à rien. Autant courir tout simplement pour en revenir oui, au sujet. Je sais. Autant écoute, courir. Moi en tout cas, autant courir, c'est vrai qu'on peut courir, c'est vrai autant courir. Partir à temps. Ouais. Moi, je me rends compte que ça y est, je suis à l'heure maintenant dans ma vie. C'est fou quand même. Ah purée, j'y arrive toujours pas. Ah, c'est le début de la station. Non, mais je prends plaisir à être en avance même. Oh là là. Le cafard. T'es arrivé 10 minutes en avance. Mais c'est parce que j'habite à la campagne. Alors j'ai un train qui me peut arriver tôt. Ça intéresse les gens, ça, ce que j'entends. Tout intéresse les gens. Tout intéresse les gens. Écoutez, on va passer aux recommandations culturelles. Marjorie Lenoir, peux-tu partager avec nous? Avant, j'aimerais savoir si peut-être Adrien compte m'interrompre pour critiquer ma. Ça dépend, c'est en VO ou c'est en VO ou en VF. Je rappelle, je voudrais rétablir l'histoire. C'est toi qui m'as interrompu quand j'ai dit une réplique. T'as dit non. Alors là, je peux pas te laisser dire ça. Là. Vous pouvez passer. C'est pas moi qui t'ai interrompu, hein. Ça va, le on laissera les auditeurs trancher, envoyer des DM à Flo. Oui, voilà, n'hésitez pas à le envoyer à moi. Alors, quelle est ta recommandation culturelle? Attends, pardon, je t'interromps avant, est-ce que ça marche ou pas? T'as vu que quelqu'un a envoyé sur le compte du Floodcast un DM pour dire les pinces, c'est truqué? Ah, j'ai pas vu, non? Oui, parce que j'ai écouté l'émission et moi j'avais vu un zone interdite là-dessus, c'est truqué. C'est truqué et en plus, de la manière que je précisément que je décris dans l'émission. Oui, c'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, ça. Ouais, j'ai mal à gorge. Une fois de temps en temps, ça pince à la puissance max, mais le reste du temps, ça pince mollement. C'est très énervant. Ouais, mais imagine, tu l'as quand ça pince mollement. Ouais. T'es un mec baiser. T'es un gentlemate. Et le mec dit, par contre, au Japon, c'est pas truqué. Et tu peux te régaler. Donc va au Japon, mec. Viens, on va au Japon. Ouais, comme ça, tu tabasses un gars qui mange de la glace, et moi, je peux faire des pinces. Marjorie Lenoir. Oui. J'ai vu Omar la fraise. Ah, j'entends beaucoup de bien. C'était bien. C'est pas un nom de parfum de glace, justement. Oui, non, c'est un vrai film. C'est un vrai film. Non, mais voilà, c'est tout. Ah, est-ce que tu peux au moins dire à peu près de quoi ça parle? Écoutez, c'est avec Reda Kateb et Benoît Magimel. Le sujet est pas original de ouf. C'est encore un film sur le trafic de cocaïne. Il y a un moment donné où les mecs, va falloir arrêter de fantasmer là-dessus. bon, tu vois, il y a eu. Bon, après, moi, j'aime bien, hein, mais. La cocaïne. Ouais, t'adores la coke. Mais j'aime bien, genre Scarface, tout ça, j'adore. Maintenant, là, c'est un peu un Scarface algérien. C'est ça. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que déjà, ça se passe en Algérie. Il y a quand même assez peu de films algériens qui arrivent jusqu'à la France. Benoît Magimel est juste magistral. Dans la bande-annonce, il est très drôle. Je l'adore. Ouais. Il est magistral. Drôle. Benoît magistral, je me permets, c'est un peu une... Et c'est une comédie du coup. Alors en fait c'est un peu bizarre, c'est entre la comédie et le drame, il y a quand même des trucs un peu compliqués. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment bien. La mise en scène est vraiment cool. Après je connais rien top. En cinéma, attention. Non mais la bonne annonce franchement quand j'ai vu ça m'a bien. Donné méga envie de le voir. C'est vraiment bien. Bon après j'ai vu à Cannes avec l'équipe du. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Mais écoutez, t'as mis une robe genre. Ouais. Oh là là, c'est ouf. Je t'ai pas invité, je connais personne. Comme n'importe quel pecno, j'ai pris mon billet pour aller dans la salle. Mais en fait, je dis ça parce que c'est cool d'être dans la salle quand les gens découvrent le film en même temps. Tu vois, là, par exemple, il y avait une énergie dans la salle. Tu sais, les gens, ils sont excités. Tu sens le truc palpable de plein d'Algériens dans la salle. Il y avait quelques drapeaux. Non, mais il y avait des Viva Algérie pendant le film. Il y avait des drapeaux bretons, cool. Ouais. Ça, toujours, ça, malheureusement. Je trouve ça normal. Voilà. Sachant qu'il n'y a aucun breton dans le film. j'ai bien aimé. Ok, écoute, moi je ne l'ai pas vu, mais j'ai envie de le voir. Benoît Magimel, s'il vous plaît. Déjà, il est partout. Oui, mais c'est un trait. C'est vraiment il est incroyable. Trop, trop fort. Là, je pense qu'il est au stade de sa carrière où il est vraiment en train de basculer dans le culte, en fait. Dans le iconique. Il a déjà un truc. D'ailleurs. Petit quiz aux débeautés. Déjà, il est dans un truc, c'est qu'il est dans Jack Mimoune et les secrets de Valverde qui sont sur le canal. Voilà. Benoît Magimel est le seul acteur français à avoir fait quelque chose, à votre avis, quoi? C'est le seul acteur français à avoir eu ça. Est-ce que c'est un truc sur la longévité de la carrière? Non. Parce qu'il a commencé. Ah, c'est vrai qu'il a. La vie est un long fleuve. Bah, bien sûr, chef d'œuvre. Tu m'étonnes. Ah, oui. Il a fait ça. Attends. Si. Je sais. Quoi, il est allé c'est sur la lune. C'est le seul qui a eu un prix à Cannes, un César. Alors, et c'est un... pas vraiment c'est pas ça, mais c'est. Je vais vous donner un exemple parce que c'est vraiment quasiment ça. C'est le seul acteur français à avoir eu deux Césars d'affilée. Okay. C'est-à-dire qu'il a eu un César en 2022 et un César en 2023 du meilleur acteur. Allez. Ah ouais. Beau gosse. Ouais, BG. C'est BG. Ouais. Meilleur acteur les deux. Meilleur acteur les deux années d'affilée. C'est le seul acteur de l'histoire du cinéma français. Il s'est pas reposé sur ses lauriers. Oh, il bosse hein, le Ben. Mmh. Et en plus, c'est gratos, hein, mais il a l'air sympa. Encore une fois, je ne le connais pas. Je ne lui ai pas adressé la parole. J'étais c'est assise ça. Beaucoup trop haut dans le cinéma, de toute façon, pas du tout avec l'équipe du film. Oui, d'ailleurs, t'étais à Cannes, mais t'étais au pâté de Cannes, pas du tout au festival. Quoi, j'étais au canet. Bah écoute, Omar la fraise, écoute, on invite les gens à aller le voir. C'est au cinéma. Ah moi j'invite personne, je paye rien à personne. Vous payez votre place déjà de non, base. Manon Bril. Oui c'est moi. Petite reco d'un truc qui est pas sorti récemment, je crois que c'est. Alors il y a pas besoin que ce soit récent, il y a aucun problème. Je l'ai découvert il y a pas si longtemps et c'est vraiment moi découverte récente qui m'a transcendée. C'est une série de documentaires sur Netflix qui s'appelle Love on the Spectrum. Ok. Ah oui. Et en gros, on suit des personnes autistes qui parlent d'amour et qui datent ou qui sont en couple ou qui se séparent, etc. Enfin bref. Et qui raconte à la caméra ou que tu suis aussi en date, etc. Et on m'en avait parlé plusieurs fois et je m'étais dit oulala, ça peut être horrible si c'est mal fait et ouais. condescendant ou pris de haut et tout. Et pas du tout, c'est genre déjà extrêmement bienveillant. Ensuite, personnellement, j'ai personne de concerné dans mon entourage, donc c'est toujours trop bien pour apprendre en quoi ça consiste et tout. Et c'est un bonbon de. Genre vraiment c'est incroyablement chou. En fait toutes leurs émotions sont décuplées fois 1000, j'ai l'impression, si j'ai bien compris, je veux pas parler à leur place, mais du coup cancel. C'est ultra intense. Mais trop tard, tu es là, je cancel maintenant et pourtant j'ai pris des précautions. Mais du coup c'est vraiment ultra intense et tu comprends les enjeux qui sont en vrai les mêmes que absolument tout le monde, c'est-à-dire est-ce que cette personne me plaît ou non, est-ce que ça match ou quoi. Mais comme en plus il y a évidemment des difficultés de lecture des autres et de trucs comme ça, juste ils racontent ce que ça implique pour eux ou non. Et juste, mais oh là là, seconde une, t'attaches à tous les gens du casting qui sont incroyables. Alors il y a la saison australienne et la saison US. Commencez par la saison australienne, je vous conseille. Bref, et il y a deux trucs, et bref, c'est vraiment un bijou, c'est trop agréable. Et dans la même vibe, si on peut prolonger le truc. Totalement le temps. Je recommande justement, même style, le docu de Marie de Breuer, que vous avez vu aussi, qui a fait un docu qui s'appelle Camille cherche l'amour. Et donc, Camille, qui est atteinte de trisomie, cherche. Enfin. Raconte son couple d'ailleurs dans le documentaire. Ça, c'est sur France TV Flash, slash pas Flash. Je suis fatiguée. T'inquiète. En accès libre et tout. Et pareil, c'est trop bien. C'est déjà trop cool d'entendre parler de ça parce que amour et handicap, tabou chez les gens c'est qui n'y connaissent rien. Donc, trop cool pour ça. Et juste, c'est drôle, émouvant, intéressant, trop bien, chambé. Voilà. Je vous recommande Love on the Spectrum et Camille cherche. Alors. Je sais que d'habitude je dis alors c'est un petit jeu indé et tout. Je vais Zelda. Oui, bah c'est exactement ça. Voilà. Putain, je dors plus, je dors plus. C'est pas toi qui va me contredire. À cause de Zelda, c'est un problème. Je recommande Zelda Tears of the Kingdom. Voilà. Trop bien, c'est bien. Bon, c'est Zelda, je vous le dis, c'est la princesse, c'est pas le personnage principal. Il y a pas Benoît Magimel dans le malheureusement. Il fera un bon Link. D'ailleurs, je tiens à signaler que j'avais fait un troll où j'avais dit c'est Zelda le chevalier et tout en story. Oui. Je n'ai pas eu une seule réponse de gens qui me disaient mais non, c'est pas ça et tout. Les gens ont compris ton moment. Ça y est. Bravo. Tu les as bien éduqués enfin. Non, mais voilà. J'étais ou alors content. Tout le monde a fait bah oui. Après, c'est Zelda. Après moi, j'ai reçu une DM de gens qui disent écoute, Adrien, il a dit que c'était Zelda le tu héros. Tu peux lui parler. Essaye de lui parler, je crois qu'il va pas bien. Moi j'avais aimé Breath of the Wild, même si, bon, ça c'est mes problèmes perso, mais je m'étais plongé dedans jour et nuit, puis arrêté du jour au lendemain et plus jamais joué, ça c'est un peu. T'avais fini jusqu'au boss? Pas du final. Tout, non, okay. Vraiment, au bout il d'un s'arrête moment, sans raison. Je me suis arrêté et j'y ai plus jamais retouché. Okay. Mais j'ai adoré le jeu et je pense que j'aime encore plus celui-là. Et je trouve vraiment, mais en fait, j'en ai un peu parlé la dernière fois, mais je redis. En fait, tout ce que j'aime pas, par exemple, dans des jeux genre GTA, où je trouve que la narration est. En fait, la narration et le gameplay sont décorrélés complètement. C'est-à-dire, ils te racontent une histoire dans des cinématiques, et quand tu joues, c'est juste pour te déplacer d'un point A à point B, et c'est paresseux et pas intelligent, je trouve, comme façon de faire des jeux vidéo. Et je trouve qu'ils ont. En fait, tout ce qui me fait pester quand Thomas, bien sûr. Julien pesté. Oui, c'était les deux sont des pâtes au pesté. Quoi Non, mais regarde pas comme ça, j'en ai pas. Non, non, non. Tu termineras pas ta phrase. Tout va bien. PlayStation 2. Voilà. Non, en fait, tout ce qui me fait rager sur quand je joue à des jeux, genre. J'ai l'impression qu'ils ont compris ça, quoi. Ouais. Ils ont compris d'une façon de. T'as une liberté. Enfin, en fait, j'aime. Je sais pas, j'aime tout, quoi. C'est-à-dire, tu fais un truc en te disant. Je pense pas que c'est ce qu'ils avaient exactement. Prévu. Exactement. Genre, j'ai l'impression de pouvoir. Ouais, influencer, tricher. Ouais, qu'il y a une liberté, en fait. Tu dis clairement, ils ont pensé à une solution pour ce truc. Ouais. Mais en même temps, tu peux le faire de mille façons différentes et ils en ont rien à foutre. Parce qu'ils sont pas dans une espèce de truc de contrôle. Non, non. Ouais. Parce que nous, notre histoire, c'est ça. Donc vous allez faire ça. On s'en branle de vos histoires. Génie. Laissez-nous jouer. Et c'est du génie. Il y a ça. Et ils ont une façon. Le monde est immense. Mais tu vas à un endroit et tu croises des personnages que. Évidemment, le jeu te les a placés là. Mais tu les rencontres de façon fortuite. Et ça va avoir une action sur la narration. Ça va te déclencher des quêtes secondaires et tout. Mais c'est trop bien. C'est trop bien fait. Tout le truc c'est de construction. Moi ça me régale parce que comme j'avais dit la dernière fois, ça fait des années que je me dis mais quand est-ce qu'on va avoir une construction libre au lieu du crafting de merde où on te dit juste si tu as trois bâtons et une pierre et une corde tu peux faire le truc, là tu peux faire ce que tu veux. C'est trop bien, c'est beau, c'est... Et genre, en fait, j'ai trouvé ça incroyable. Genre, moi, déjà, le précédent, il m'avait cassé la tête et il m'avait procuré énormément de bonheur et d'émotion. Et là, tu vois, je me disais, c'est quand même dur de scorer au-dessus de ça. Et à chaque découverte du jeu, je suis là, mais non, vous pouvez... Comment c'est possible d'arriver à me faire autant, encore plus kiffer que le premier m'a déjà fait kiffer. Ouais, c'est ouf, en vrai. Les cinématiques, elles sont folles, genre les ouvertures de tours. Mais j'étais là, non, stop. Arrêtez, c'est trop en fait, je vais m'évanouir. Enfin, vraiment, bon, ouais, bref. C'est bravo à bien. Ce petit jeu indé qui a besoin de publicité parce qu'il a pas été beaucoup vendu. Non, mais. Non, c'est beau, c'est trop bien. C'est mais, un bonheur. Mais, et même, tu vois, il y avait même des trucs où, tu vois, dans des quêtes, tu parles à un personnage, enfin, tu sais, ils disent va voir tel personnage à tel endroit, tu vas le voir. Il te dit va voir un tel dans l'écurie, aller au nord-est et tout machin. Et moi. J'ai dû me désintoxiquer des mauvaises habitudes de jeux vidéo, mais parce que j'ai été mal éduqué. Mon réflexe, c'est d'aller sur la map et de dire bon bah ok, il est où le point jaune pour... Et en fait non, en fait écoute ce que le mec t'a dit et va explorer et trouve le truc parce qu'en fait ils vont pas forcément te dire il faut que t'ailles à tel endroit précisément. Et au début je me disais ah bah putain c'est relou et en fait je me suis dit bah non connard c'est tout ce que t'as dit que tu détestais dans les autres jeux. Et donc du coup en fait c'est trop bien de faut écouter les gens et puis tu vois les indications qu'ils t'ont données et tu vas explorer et tu vas trouver les trucs. Oh, je me rends compte que vous avez une consommation du jeu vidéo beaucoup plus stylé que la mienne parce que moi c'est tout ce que tu tues les gens. Ben moi c'est, surtout moi déjà j'écoute pas, enfin je mets de la musique ou je mets un podcast ou enfin moi je tu lis moi c'est oui mais ce que j'ai à faire j'ai pas à lire même enfin oui, moi ce que j'adore dans les jeux vidéo c'est que il y a sur une map un point jaune et je dois y aller et c'est une voiture par exemple si c'est le jeu c'est GTA par exemple oui, un jeu que j'adore. Non mais tout le monde aime pas ça, ton frère il m'a dit que ça le faisait royalement chier. Moi mes jeux préférés c'est Far Cry. Mon frère il joue très peu aux jeux vidéo aussi mais en général. Et est-ce que t'as vu que tes chevaux du jeu d'avant, oui, ça ils c'est sont cool. Encore quand je suis arrivé à un refuge, il y a vos chevaux du jeu. Bon bref. En fait, tu peux avoir des chevaux incroyable. Dans Breath of the Wild et en mais fait ça, là, ça, tu vas dans j'ai joué à Breath of the Wild. Et bah t'as tes chevaux d'avant. Tes chevaux ils sont sur tu vois. Ouais. Non ça, mais oui ça mais m'a fait chier, mais... je pouvais pas écouter de la musique. Et moi en tant que historienne, je suis ravie car il y a plein d'archéologie dans ce jeu. Et oh, c'est trop bien. Les fans d'archéologie. Il y a des géos. Non mais c'est vrai en fait. Mais il y a tout un truc avec les archéologues. En gros, il y a une civilisation du ciel qui est en train de tomber sur leur monde et du coup ils analysent les trucs qui tombent du ciel et ils font que dans c'est... GTA, beaucoup d'archéologie déjà. Non, mais c'est trop génial. Les gens. Moi qui déteste normalement les trucs oniriques et tout, là c'est. Ah bah là c'est t'es servi par contre. Oui, mais là c'est trop bien fait quoi. Ouais. C'est, donc, onirique j'adore. Et Ramzy. Oh, merci Marjorie. Merci Marjorie de recentrer un tout petit peu l'émission. Mais je sentais qu'on était parti dans un truc. Non, et en plus, de manière plus globale, il y a un truc que moi je trouve émouvant, mais moi à titre personnel, c'est le côté. Genre Nintendo. Ils sont toujours dans ma vie, genre à 43 ans, tu vois. Moi, je jouais à la NES. Il y a. T'as vu la pub du mec pour Zelda juste avant que ça sorte, le teaser où c'est un gars en costard. Mais alors, franchement, elle est hilarante cette pub. C'est un gars en costard gris qui va au travail, mais tu sais, qui a l'air d'avoir 40 ans, il oh va au travail. Vieux. Mais non, mais juste par rapport à un public de jeux vidéo, oui, tu vois. Et en fait, il met Zelda et hop, et vraiment, on dirait une pub pour antidépresseur, tu vois, où ça fait. Oh, il y a des couleurs et tout dans son bus, tout gris, tu vois, vraiment, regarde ce teaser, il est fou. C'est ma vie. Et ben, en fait, genre, le teaser, il est sorti le mercredi avant, et j'ai fait, ça va être exactement mon vendredi. Ça va être exactement ça. Moi, dans le bus, qui joue et que ma vie s'illumine avec les couleurs de Zelda, et juste on s'est dit, mais oui, en fait, Zelda a 37 ans, tu vois. Mais oui, c'est ça. Et du coup, le public. Oui. Alors, j'avais jamais fait un Zelda avant Breath of the Wild. Ah, oui. Mais moi, c'était le truc de Nintendo. J'avais la NES quand j'étais gamin, et c'était déjà ma passion quand j'étais gosse, voilà. Et de me dire qu'ils sont toujours là. Ouais. Et ils sont toujours. Robbie Williams s'appelait sa fille Zelda. C'est vrai. Un petit tri. Et Gérard Best. Une anecdote qui mange pas de pain. Mario. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Qui a appelé son fils Mario? Gérard Best. On l'embrasse. Oui. On se lit. Et son deuxième fils, Luigi. Non, pas du tout. J'ai inventé tout ça. Ouais, je sais pas. Je me suis fait la remarque en me disant putain, c'est fou. Enfin, il y a un côté. C'est touchant. Certes, c'est une multinationale et tout, mais en même temps, tu peux avoir un. Ouais. Enfin, je sais pas, quand il y a une grosse boîte qui fait des trucs, ils doivent faire des trucs dégueulasses dans leur pratique, etc. Ouais. Mais dans ce qu'ils produisent, il y a un côté. Ils le font pas gratuitement, mais ils me fournissent de la joie depuis plus de 30 ans. Mais juste moins que le soleil, du coup. Juste moins que le soleil, plus. J'ai une petite question, hein, parce que j'ai l'impression que. Les gens qui par exemple adorent Star Wars à 40 ans et qui disent ça met de la lumière dans ma vie comme quand j'étais petit et tout, tu as tendance alors à pas trop les apprécier. Alors, non, mais c'est une question, c'est une vraie question sans malice, je te jure. Et moi j'ai une autre question, est-ce que je fais des putains de références à Nintendo à chaque fois que je parle et mes vêtements c'est des trucs de Nintendo? Et non, dès mais que on parle de quelque chose, je ramène le truc à Nintendo. Est-ce que je fais ça? Contrairement aux fans de Star Wars. Mais... c'est ça que je leur reproche. Le fait que ça leur apporte du bonheur, très bien. Ok, très bien. Non, mais c'était pour être sûr. Écoute, je voulais m'en assurer. Ok. Je suis rassuré. Matez un autre film. Eh bien, quant à moi, alors moi je vais être un peu moins. Parce que là vous étiez à fond. Moi je sais pas oui, si non, vous mais vous oui, mais j'avais envie de. Mais franchement, vous êtes je des bébés. Toi. Non, moi je vais moins bien vous le vendre, mais j'ai vu Bodies, Bodies, Bodies. C'est un whodunit. Un film sur 7 jeunes qui sont dans une maison. Alors, au début, on l'a vu mille fois, qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais il y a un meurtre et on essaie de deviner qui a tué. J'adore. C'est un film... ça, on l'a jamais vu, par jamais vu. C'est un film A24. Okay. Je peux pas vous le dire mieux que c'est très marrant. Ça se moque. Bah alors, c'est pas une comédie, mais c'est très marrant. D'accord. C'est parce que c'est d'abord un thriller, film un peu pas d'horreur, mais bon, voilà, il y a des gens qui meurent, quoi. Parce que toi, ça te fait rire. Ouais, bah, j'adore ça. Non, mais il y a un angle très marrant qui est. Ça se moque un peu des dernières générations, mais c'est pas fait par des boomers, c'est fait par la génération concernée. C'est-à-dire que c'est que des gens justement qui se disent woke, qui ont des podcasts. Ah. Y a Pete Davidson dans le film, je peux pas vous dire mieux, donc ça vous donne un peu le ton du truc. Mais c'est fait par A24 et par des auteurs. Donc c'est de l'autodérision. Oui. Et c'est très marrant là-dessus. Ça, c'est, du coup, c'est marrant de voir ces gens-là dans un film où il y a un tueur. Et vraiment, moi j'ai trouvé ça très bien fait. Très rigolo. Tu l'as très bien vendu. Bodies, Bodies, Bodies. Bodies. C'est sur Prime Video. Alors ils ont fait aucune annonce là-dessus. C'est fou, ouais. Franchement, ils sortaient au cinéma aux États-Unis, mais là ils l'ont sorti en catimini, j'ai envie de dire, en camini d'ailleurs même. Le rappeur, ouais. Et le dernier film, je vais très vite, c'est Tellement Proche de Nakash Itono. Alors c'est un film qui est sorti il y a longtemps, que j'avais pas vu. C'est le seul que j'avais pas vu d'eux. J'étais passé complètement à côté. Et dedans, il y a Vincent Elbaz qui est trop marrant, qui joue malheureusement ce que je vais devenir, ce qui m'a cassé le sang, espèce de grand enfant un peu nul qui se, enfin voilà. Et quand tu dis devenir, c'est parce que je pense que je suis plus impliqué sur mes enfants qu'il ne l'est dans le film. Ah d'accord. Mais tellement proche, c'est vraiment très drôle. C'est avec également François-Xavier de Maison, oui c'est ça, François-Xavier de Maison. Il y a Isabelle Carré, il y a Omar Sy. Avant qu'ils deviennent une grande star, c'est le film juste avant Intouchable. En fait, c'est le film qu'ils ont fait entre Nos Jours Heureux et Intouchable. Je trouve ça pas forcément aussi incroyable que moi les films que j'adore d'eux, à savoir Le Sens de la Fête ou Nos Jours Heureux d'ailleurs. Il y a pas marqué dedans. Donc. Déjà, mais c'est vachement drôle, c'est super joli, il y a des belles idées. Et en l'occurrence, tout l'arc narratif, parce qu'il y a plein de personnages, l'arc narratif de Vincent Elbaz, je le trouve vraiment trop bien. Il y a Jean Benguigui qui joue son père. Il y a des arcs dans Zelda aussi. tu peux construire toi-même. Pas narratif. Et quand ils sont en bois pas ouf, ils cassent. Au bout d'un moment, bah ouais, c'est chiant. Mais tu peux les fusionner avec des trucs. Et là, attention. Donc voilà, tellement proche, c'est sur Disney Plus et sur Canal. Mais c'est un film qui est sorti, je crois, en 2009 ou 2010. Mais je vous le conseille, c'est vachement drôle, c'est vachement bien. Et eux, de toute façon, ils sont trop forts. Donc quoi qu'il arrive, regardez tous leurs films parce que même s'il y en a que vous aimez moins, il y a toujours des super idées dedans. On va faire un dernier tour de table, pardon, pour savoir à peu près ce que vous faites en ce moment. Manouille, donc tu viens de faire le Culture Fest. Je viens de faire ça, c'est trop bien passé, trop bien incroyable. Passé. Un énorme buzz, je crois. C'était waouh, la péniche n'a pas coulé, donc c'est cool. Où est-ce qu'on fait gaffe, la dernière fois qu'on a dit un truc, c'est arrivé à savoir, okay. Il y avait l'enregistrement. Alors je vais dire, ça s'est mal passé, putain. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment? Alors il y a ta chaîne YouTube toujours. Alors ma chaîne tout. 1, 2, 3, je recommence. Ma chaîne YouTube, toujours, c'est une autre histoire. Abonne-toi, vulgarisation de l'histoire en général. Ouais. Et sur Instagram, des formats un peu plus courts à Manon Bril. Oui, c'est un pseudo. Et donc, sur Instagram, Manon Bril, QACUH, comme c'est une autre histoire. Okay. Pour un peu plus d'actu, du coup, en flux tendu, c'est là-bas. Parce que, par exemple, j'ai commencé tout doucement le stand-up. C'est ce que j'allais te dire. On s'est croisés là-bas, n'est-ce pas ? On s'est croisés. Donc, les infos de ce soir, je joue là, ou ce genre de truc, c'est là que ça se passe. Et alors, comment ça se passe quand même, ça ? J'ai envie de savoir le début. Très, très contente de... C'est trop bien. En fait, au début, j'étais incroyablement terrifiée. Ça m'a étonnée d'être stressée à ce point. C'est-à-dire que je... En fait, j'ai fait de l'impro pendant très longtemps, pendant une dizaine d'années quand même. Donc, si tu veux jouer dans les caves devant du monde, je connais, tu vois, même si c'est toujours stressant et tout. Et je me permets, moi, je t'avais vu à Avignon, je crois, faire des conférences. Et en vérité, il y avait de l'humour, ouais. T'étais sur aucun scène devant des gens. Aucun stress sur ça, ouais. Par exemple. Le petit stress d'avant, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est différent parce que tu viens faire une conf, donc tu viens donner du contenu, genre, c'est pas toi. Et en fait, le stand-up, mais je m'attendais pas, mais genre, les 3-4 premier passage, mais une terreur la demi-heure d'avant et tout le set, genre en mode en fait c'est pas juste le texte qu'il faut que je dise bien ou nana, c'est je dois pas tomber dans les pommes, tu vois, genre vraiment, mais une terreur que j'avais pas soupçonné, mais bref, et des blackouts en sortant et tout, et enfin des ouais, genre en mode est-ce que j'ai dit ce passage ou non, enfin incroyable, vraiment je m'y attendais pas à ce point, et en fait dès le lendemain toujours en mode ah mais je veux recommencer, trop grisant et tout. Et au bout de 5-6 passages, ça a commencé à se calmer. Un petit chat trop mignon. Un petit chat. Et du coup, maintenant, je commence à juste toucher du doigt le... passer cette terreur, le... OK, je peux jouer sur un petit lance-là, à vraiment pouvoir jouer avec le texte et tout. Ah, tout cool. Je joue pas assez pour pouvoir... tu sais, il faut en faire des tonnes tous les soirs. Vrais font ça. Mais du coup c'est très grisant, et mon but à terme c'est pas de faire un spectacle, mais justement pas du stand-up pardon, mais justement un spectacle de conf marrante qui ferait genre une heure, et où il y a plus du contenu marrant que une blague à chaque phrase. Ouais. Donc les retours sur le contenu du stand-up sont déjà cool, et ça ça me fait plaisir, et je me dis qu'il y a un truc qui a pas trop été fait à aller là-dessus, donc voilà, donc bref, j'ai beaucoup parlé. Et ton stand-up il parle d'histoire du coup? Ouais, en fait ce dont je veux parler, en faisant des blagues et du coup en amenant les gens dessus, c'est le fait que dès que tu fais de l'histoire, tu te rends compte de à quel point tout ce qui paraît tellement naturel, ancré, obligatoire et dans tout ce pour quoi on est programmé, en fait ça a tout le temps changé à travers l'histoire et tout. Et genre une de mes premières accroches, c'est figurez-vous, parce que je trouve que c'est un exemple trop parlant et marrant, figurez-vous qu'autrefois à Rome on faisait caca en groupe, tu vois, genre il y avait des latrines collectives, mais pardon s'il te plaît, en fait l'écart avec aujourd'hui la vision de l'enfer, faire caca en groupe, tu vois. Ouais, ouais. Et après, vraiment, les festivals, vraiment. Non, mais genre, il y avait pas de cloison, c'était, tu vois, on allait et on discutait politique aux chiottes, enfin, t'imagines. Bah, l'odeur devait être folle. Non, mais c'est en vrai, ouais. Genre. Moi, déjà, je suis content que t'aies remis un peu de caca dans le podcast, on avait dit qu'on n'aura pas à la fin, merci d'avoir ressenti. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'ils avaient tous envie de chier en même temps. Toute la journée pour mais ceci dit, je suis allé voir Bruce Springsteen récemment, et je suis allé à un urinoir, et c'était un urinoir sans truc qui sépare. Ah, tu pouvais discuter alors. Et donc c'est vraiment tous les mecs côte à côte. Coucou. Mais sans même de barrière. Après, donc on était vraiment bite côte à côte. Presque. Bah, c'est un peu oppressant. Juste parce que c'est pas les codes de maintenant, tu vois. Bah, c'est ça, je suis pas un Romain. Mais en vrai, je trouve ça. Enfin bref, et du coup, j'ai plein d'exemples comme ça sous le coude de juste. Ça permet de s'ouvrir la petite boîte dans laquelle t'es en se marrant, mais juste pour lutter un peu contre l'histoire, c'est extrêmement récupéré par les conservateurs bien et tout sûr. Sur un truc, enfin mon, en gros ma mon cheval de bataille, mon fil rouge c'est aussi, mais non, j'ai voulu aider. La tradition c'est une illusion, tu vois. Okay. Et du coup, genre, tout change tout le temps, ça va changer, et faut arrêter avec le « oui, ça a toujours été comme ça, on peut pas le changer, parce que là, si, si, si on veut faire, je sais pas moi, le mariage gay, faisons-le, en fait, parce que ça a changé. » Ça a existé. Bref, et... voilà, exactement. Voilà, oh, bref, je me et suis moi, beaucoup... Ça avec non, mais c'est très bien, je te demandais. La langue où les gens disent « oh là là, bah, les mots maintenant, merci, mais en fait, le mot que tu utilises, c'est des jeunes déformations. » Parce que les gens avant. Sont narcissiques, tout ça, c'est du narcissisme. Les gens ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, ils pensent qu'ils ont toujours existé, moi, que des tout gros cons, tourne autour d'eux. Mais non, mais c'est vrai, oui. C'est des gens qui n'arrivent pas à voir au-delà de leur propre existence. Donc laissez-nous dire « Kwakubé, les vieux !» C'est ça, moi, que je veux dire. Laissez-nous dire « Kwakubé !» Non, mais en plus, « Kwakubé », en vrai, on rigole, mais il y avait vraiment un truc où les gens disaient « Non, mais attends, moi, à mon époque, on faisait on disait coiffeur, ça. Hein. On disait okay. Ça, là, Kwakubé, ouais. Ça veut rien dire. Mais ta merde que tu disais quand t'étais gosse, ça voulait rien dire non avoir plus. C'est le principe là-dedans, c'est fou. Quand c'est même. Le principe en fait. C'est incroyable. Enfin, bon, ouais, bref. Ouais. Donc voilà, c'est faire des blagues pour ouvrir un peu les boîtes. Bah, trop bien. Donc si vous êtes à Panam, n'hésitez pas. Panam City, moi je dis. Manon, c'est quoi? Panam City. Panam City, ouais. Babylone. Vous pouvez peut-être trouver en Comedy Club Manon. Regardez sur Insta, je le partage quand je joue. C'est son vrai nom. Bien. Marjorie Lenoir. Juste vraiment bravo parce que moi, quand je vois les gens faire de la scène, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Ah non, mais c'est terrifiant par contre. Ouais, ouais, moi pareil. Mais oui, mais ça a l'air d'être la chose là qui fait le plus peur au monde. Ouais, ça fait très très peur par contre, vraiment. Bravo. Vraiment, il y a un postulat de base dans le stand-up qui est. En fait, je suis drôle, ok. Ouais. Ouais, vraiment, c'est ça qui est vous très allez dur, m'écouter, ouais, c'est ouais, prétentieux, ouais. En fait. Oui, mais ah, il y a, vraiment, oui, mais y a un accord qui est complètement fou de gens dans la salle qui dit allez, vas-y. Ouais, fait, ouais, du coup, c'est bah, fait ça. Nourrir. Ah, c'est vraiment un truc de défi ouais, dès le début, quoi. C'est chaud, voilà. C'est vraiment ouais. Chaud comme voilà exercice. Pourquoi je n'en ferai jamais. Pareil, je le dis maintenant. Redis-le encore une fois au cas où. Envoyez-moi des DM à moi. Pour ne pas aller au random. Voilà, c'est passé. Faut y aller vraiment avoir aucune intention de. De bien faire, en fait. Ouais, exactement. Mais j'y vais un peu comme ça, moi, ça qui est marrant. Ah ouais? Ah bah, il vaut mieux. Moi, j'y vais. Moi, je veux. Moi, je fais un tout petit peu de stand-up, mais vraiment par juste plaisir d'en faire comme on va. On a déjà parlé, hein, mais comme un hobby, quoi. Mm. Et du coup, alors je dis pas que c'est bien, hein, ce que je fais, mais je suis très détendu à le faire et c'est très agréable. Du coup, moi, je prends beaucoup de plaisir parce que je n'ai pas de jugement de valeur. Je me dis pas, ok, il faut que je réduise cette vanne. Non, j'ai fait ma vanne, elle a semi-marché, mais tant pis, et voilà, tu vois. Et moi, c'est pour ça que je m'amuse beaucoup à faire ça en ce moment. Oui. Mais j'ai quand même la même terreur. La demi-heure d'avant, j'ai la même terreur mais de. Mais c'est ouf, ça, oh là par là, contre. Mais même les grands humoristes, disent ça. Ça me terrifie aussi parce qu'ils disent que ça part pas. Ouais, et ça partira merde. Ça partira pas. Mais à chaque fois, je fais. Mais pourquoi je fais ça? Bah, en fait, je sais aucun pas, plaisir pas, là. Fais autre chose. Jacques Brel chiait dans son froc avant chaque concert, vous saviez ça? Petit trivia, si vous saviez pas. Donc, oui, Marjorie, je sais que tu travailles en ce moment sur quelque chose. Oui, est-ce qu'on peut. En parler. En fait, oui, je travaille sur deux choses. L'origin story. Oui, je veux dire. Je suis obligée d'en parler parce que. C'est, je n'ai pas obligée, mais si. Si, tu veux non, en parler, mais moi, quoi. Ça me ferait plaisir. Bon, oui, on ne sait pas ce que ça veut donner aussi bien. Je vais devoir venir dans un futur podcast dire ça ne s'est pas fait. Arrête. Non, mais ça va. J'ai écrit un film et pour ceux qui veulent réécouter le dernier épisode dans lequel j'étais, qui remonte à un petit moment, je disais j'ai écrit un film. Ce qui est la même phrase que je viens de dire, mais un film, ça, toi-même, tu sais, oui. Flo, ça se fait, ça, en fait, ça s'écrit, mais ça se réécrit. Mais la dernière fois, je l'avais écrit seul et j'avais dit à la fin du Floodcast, si jamais il y a un producteur qui écoute, qui est au bout du fil, et j'ai dit ça évidemment sans aucune réelle... Pour la blague. Pour la blague. Ouais. Et il se trouve que le lendemain de la diffusion du Floodcast, j'ai reçu un mail d'une prod. C'est joli. Trop bien. Mais c'est incroyable. Et je te remercie. Bon, pas du tout. Chialer, c'est toi. En fait. Non, pas du j'adore. Tout. J'adore. Je peux non, me remercier si moi c'est... aussi parce que je suis quand même co-host. Non, mais... alors, j'ai écrit un film. Non, mais c'est alors, pas du tout l'intention. Donc la morale déjà de cette histoire est communiquer vos désirs. Parce que vous savez jamais qui est dans la pièce, qui est au bout du fil, qui est là. Qui est... Vous pouvez c'est vous vrai. Dire, mais personne n'en a rien à foutre. Si, en fait, les choses parfois se font comme ça. Et donc, ouais, merci, c'était incroyable. Et en plus, cette prod, je l'adore. Trop bien. Depuis le début, tout se passe merveilleusement bien avec eux. Et donc, on a travaillé là pendant un an sur ce film où ils m'ont dit, c'est bien. C'est pas prêt. Ouais, bien sûr, ouais. Il va falloir réécrire ouais. Avec des gens dont c'est le travail. Donc j'ai eu aussi une co-scénariste. Et là, par contre, le film est vraiment terminé. Enfin, l'écriture bravo. Est terminée. Félicitations. Trop bien. Oui, mais un film écrit n'est jamais qu'un film écrit ah, oui. Que personne n'a encore. Moi, souvent, c'est un accomplissement quand même. Ouais, c'est moi, c'est clair. Ce que je dis parfois. J'en ai chié. J'en ai mais chié. C'est ça. Parce que des fois, il m'arrive de recevoir des DM de gens qui me demandent des conseils et tout. Et je ne ouais. Réponds jamais. D'ailleurs, je m'en excuse. Mais juste, ça, je rentre dans un vortex. Donc je le dis là. Voilà. le conseil que je donnerais aux apprentis scénaristes, c'est n'écrivez pas en vous disant qu'il faut que ce soit un film. Exactement. Écrivez-le pour que ce soit le meilleur scénario possible, parce que les moitiés, voire les trois quarts de votre vie, si vous avez la chance de faire le métier de scénariste, c'est de faire des scénarios qui ne seront jamais des films en fait, ou des séries ou des trucs. On écrit beaucoup des choses qui se font jamais. Moi, à ma toute petite échelle, j'ai écrit du coup trois films qui ont ou vont exister en tout. J'ai écrit en tout, j'avais compté 12 films, je crois. Et je parle de films écrits, je parle même pas des traitements qui ne sont pas allés au bout, je parle de V1 ou parfois de V4, V5 de films. Donc faut prendre du plaisir à ça. Oui, et il faut célébrer toutes les étapes. Exactement. Non, mais moi après, je suis très. C'est pas que je suis pessimiste, mais en fait j'étais tellement déçue par ce métier. Ouais, parce qu'au début, quand je suis arrivée sur Paris, j'ai trop cru que j'étais Marion Cotillard, en fait. Or non. Et en fait, ce métier m'a tellement blessée que je me suis dit plus jamais tu t'emballes avant qu'il y ait réellement un truc concret. Et d'ailleurs, ce film. Première étape, je crois. Là, je suis en train de me griller d'ailleurs, parce que je suis en train d'en parler. Mais là, ça a tellement bien avancé que je suis assez optimiste. Je pense que ça va vraiment se faire. Mais c'est vrai que. C'est toi-même, je pense, Flo, t'en as pas beaucoup parlé de ton film avant que ce soit. Non, moi je suis très. Mais moi, c'est même dans notre cercle privé. Moi, à chaque fois, on me dit normalement, j'étais censé tourner genre 3 semaines après. Je disais oui, non, mais. Oui. Mais moi, j'ai eu des revirements. Moi, j'ai eu le Covid. Donc, ça a été quand même une vraie surprise. Il y en aura toujours. Il y en a toujours. Tu voilà, c'est ça. Donc, oui, ça, c'est des revirements qui font que tes tournages sont repoussés, etc. Mais comme tu dis, il faut célébrer chaque truc. Et là, moi, je suis trop contente parce que juste le film, il est écrit. Et en vrai, il y a beaucoup de gens qui l'ont lu là qui l'aime. Et donc je pense qu'il va se faire, donc ça c'est la première chose. Et oui, pour revenir au conseil des gens qui écrivent aussi, acceptez que vous écrivez des trucs nuls, parce que c'est tu ne commenceras jamais par écrire un truc bien, jamais. Moi, une fois que j'ai accepté ce truc là j'ai fait ok, bah allons-y en fait. Et t'écris un truc nul, ensuite t'écris un autre truc nul par-dessus, et puis c'est au bout de X versions que tu commences à avoir une petite pépite à extraire de la merde. Mais tu as les mains dans la merde pendant des semaines. C'est plus facile d'avoir sorti un premier jet que tu retravailles tout. Genre, on utilise souvent la métaphore de la statue où un sculpteur est dégrossi et après tu vas faire tous les détails. Tu ne sortiras rien de rien. Donc, de toute façon, il faut casser la page truc blanche et tout. Il faut accepter que les phrases, elles sont moches, etc. Et ça. Et c'est beaucoup moins onirique que ce qu'on dit sur l'écriture. C'est pas genre vous êtes assis à votre table et vous avez une révélation. Ça n'existe à 2h du matin. C'est une putain de discipline horrible. Moi, ça a été c'est très un travail, difficile quoi. Ouais, c'est un travail. Ouais. Qui rappelle l'école. Enfin, bref. C'est... Mais voilà, ah, mais une l'écriture, fois, c'est affreux. Une fois que tu arrives à sortir des trucs bien et que. Oh, c'est incroyable, quoi. Le sentiment de satisfaction est fou. Franchement, bravo. Bon, écoute, non mais attends, vraiment encore une fois, moi bravo, ça sera quand je serai dans la salle. Ta gueule. Bravo. Bravo. C'est pour cette étape, on l'a déjà dit, on célèbre. On célèbre cette étape. Celle-ci elle est validée en tout cas. Ouais, mais ça me fait plaisir. Mais en tout cas, je voulais remercier Floodcast, oui, vraiment, non, parce que merci pas. Mais si. Non mais mettez-vous d'accord. Mais c'est pour toujours, ça sera ce petit truc un peu mignon de voilà. Ça c'est vrai. Ça c'est cool. C'est très cool. Bon, que j'ai gâché en étant odieux apparemment. Il sera en VF. Écoute, on s'accepte avec ses défauts. C'est ça qu'on apprend. On s'attache et on s'empoisonne. En plus, je vais proposer un rôle dans le film. Ah, là, oh là là, ça a changé. C'est terrible parce que ça va être très compliqué pour moi, quoi. Ah, je comprends. Tu sais, tu n'es pas la seule dans ce métier à penser comme ça, je crois. Toi ou Benoît Magimel, du coup, je ne sais pas. Ouais, c'est entre les deux. Quelqu'un qui a eu 2 Césars. Quelqu'un qui a eu un. À la suite. N'a pas eu un Web Comedy Award. Non, mais. Et le deuxième truc, c'est en lien avec l'histoire, le vintage. Hachette m'a proposé d'écrire un livre. Cool. Sur la mode vintage, j'ai dit ouais. Bah, trop bien. Et donc, j'écris ça en ce moment. Donc, mon autre reco, finalement, si vous écoutez le podcast dans un an, c'est d'acheter mon livre. Je sais pas comment il s'appelle. Attends, mais j'ai ma petite phrase. J'ai ma petite phrase. Attends. Tu reviendras. Nous en parler, bien sûr. Avec plaisir. Je suis animateur. Avec plaisir. Bon, trop bien. Adrien Miel. Moi, dégueule pas dans le micro. Non, mais. Non, tu as participé à un podcast que j'ai trouvé très drôle. Alors, je l'ai dit, je crois, mais en début oui, d'émission, qui s'appelle Pardon GPT de Pierre Lapin et Rémi Boyle. Je suis dans l'épisode 0 parce qu'ils font leurs intéressants. Ça m'a rendu foudrage. On est d'accord. Ah, mais foudrage. En gros, le principe, c'est que c'est le troisième animateur est Chat GPT, quoi. Et donc, il pose des questions à Chat GPT. Qui te connaît bien, apparemment. Bah, ouais. Non, c'est très drôle, mais c'est quand même bien construit parce que c'est pas juste, bon, bah, ils font des blagues avec Chat GPT. Non, il y a des rubriques et tout. Il y a des trucs dont j'étais jaloux, même où j'ai dit mais ça c'est trop mal, c'est trop bien comme idée. Non, mais à un moment je me suis dit putain, mais c'est trop bien de faire des questions à des invités où c'est tu demandes à ChatGPT de poser une question à Marjorie Le Nohant. c'est comme si tu étais Laurent Delahousse ou comme si tu étais Éric Zemmour, enfin tu vois, et voir. Non mais je prenais un prix. Non, c'est bien pensé. Mais, ouais. Non mais tu vois, c'est une idée. Qui... Enfin bref, j'ai trouvé leur idée très marrante. Alors en parlant, tu me dis Zemmour, ça me fait un tremplin. 67% des gens trouvent Darmanin bébé mignon. Ah. Donc, ah mais tu l'as posté. Oui oui. Je l'ai t'as posté. Dit que c'était Darmanin ou pas sur le. Non. J'ai dit trouvez-vous ce bébé mignon. Donc la bonne auberge toujours deux fois par semaine. Bon bah très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci d'être venu. Franchement merci pour l'invitation. Bah non, ça faisait super plaisir. Bonheur. Et puis bah à très bientôt. Salut tout le monde, ciao. Salut. Bah, hey, attendez donc, mon bébé ne s'est pas réveillé. Oh, incroyable, c'est le moment de crier. Non, c'est pas de soirée. Au revoir. Il s'agissait du flow de cast. Pardon. Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/audio. Rendez-vous sur shopify.fr/audio pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.